biome, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission de Puissance Maximale qui s'en vient pour vous. On va vous parler jeux, on va vous parler littérature aujourd'hui également, on va vous parler BD, entre autres, et tout ça avec votre animateur, M. Mickaël Michaud. Je suis toujours content d'être là avec vous pour vous parler jeux. Et je suis avec M. Andrew Castegan à la console. Salut, Andrew! Bonjour, M. Michaud. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis en train d'ajuster mes choses. Ben oui, comme à ton habitude. Comme à mon habitude. Et là, on va parler ensemble un peu plus tard dans l'émission de Nouvelles Ludiques. Mais avant ça, on a des invités cette semaine. Oui. On va parler si on a du temps. Là, on a tellement de stock cette semaine. Ben là, on va commencer l'émission après la première pause musicale avec M. Guy Bergeron, auteur de la région, en fait, de la Rive-Sud, qui est en studio présentement avec nous. Salut Guy, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, et là, on va parler tantôt de ton nouveau livre qui est sorti récemment, en fait, le mois dernier, et que dont j'ai eu la chance déjà d'en lire une bonne partie, qui s'appelle « Fils de Troie », édité aux éditions Porte-Bonheur. On parle de ça un peu plus tard dans l'émission, en fait, tout de suite après la première chanson. On a aussi M. Étienne Desilets avec nous. Salut Étienne! Salut! Et là, Étienne, toi, tu venais nous parler, on va encore parler de... d'écriture dans un sens. On va parler BD, en fait, parce que toi, tu es l'auteur et illustrateur d'une BD, d'un webcomic, en fait, qui s'appelle Frivolesque. Ça fait qu'on va parler un peu, en fait, tout de suite après Guy, on va aller parler avec toi de ce beau projet-là qui est en marche depuis un an, je pense. Oui, ça fait un an. Excellent. Donc, on va parler de ça un peu plus tard. Et en deuxième heure d'émission, en fait, avec Étienne, on va aussi parler du PAX East. Ben oui, je t'allais là, moi. Parce que Étienne est allé faire un tour la semaine passée, puis vu que ce genre de choses qui nous intéressent à Puissance Maximale, bien évidemment, on va en discuter avec Étienne également. Et en deuxième heure d'émission, on va parler du pub La Revanche, qui est à Québec, un pub ludique qui est ouvert depuis déjà quelques mois. On est allé faire un tour il y a deux semaines. On a parlé avec nos amis du pub La Revanche, parce qu'on les connaît d'ailleurs. On a parlé avec Michel, un ancien membre de Puissance Maximale. On est partout. On est partout. On est comme ça? Les Illuminati. Ouais, c'est ça, un complot ludique. On va commencer à mettre des dés partout. Là, voilà. Là, on a parlé avec Michel, on a une petite entrevue préenregistrée qu'on a pour vous pour la deuxième heure d'émission. Mais avant tout, mesdames et messieurs, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est avant tout un site internet, le www.puissancemaximale.com, afin d'écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Et vous pouvez également écouter donc nos anciennes émissions et celles ce qu'on est en train de faire présentement. Je travaille toujours sur de quoi, mais que voulez-vous, je procrastine comme un con, fait que non, ça s'en vient un jour. Ouais, je vais être obligé d'y botter les fesses. Non, en fait, c'est que ça marche pas. Ah, OK. C'est pas que tu procrastines, c'est que t'es bloqué, t'es bloqué quelque part. Ouais, en fait, c'est pas que j'ai procrastine pour faire la réalisation, c'est que je procrastine pour déboguer la solution. Mais malgré ça, rendez-vous sur le site, donc www.puissancemaximale.com. Et également, on vous invite à rejoindre la page Facebook de Puissance Maximale. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et on vous demande également, là, si vous aimez l'émission, mais on le croit bien parce qu'on a plein de bons commentaires, eh bien, de partager. Et on se déplace, puis le monde fait « Hey, c'est Andrew de Puissance Maximale et l'autre ». Non, non, c'est ça, c'est clair. Que moi, personne ne me reconnaît. Mais en fait, ben, moi, c'est moi, je commence à avoir des demandes d'avoir des photos. Moi, je suis roux, fait que là, le monde, il me reconnaît plus facilement. Non, c'est ça. Puis moi, je me rends à Milton, puis pas toi. Non. Ah oui, on doit avoir un gros fanbase à Milton. Moi, je rencontre Brental Floss, puis pas toi. Ah, moi, je dis ça demain. Moi, je te rappellerai que Jackie Berger, voix d'Esteban des Cités d'Or, est une amie et suit mes posts. Je dis ça de même, là. En tout cas. Bon, ouais, mais t'es. Il y a du monde qui veut être reconnu dans le monde de la double française. Il y a du monde qui veut être reconnu dans le monde du web. Ah, c'est chacun ça, leur sphère. Chacun leur sphère. Et donc, après ces niaiseries-là, on va donc aimer la page de puissance maximale parce qu'en plus, mesdames et messieurs, les concours qu'on va faire, donc on va faire tirer des prix à puissance maximale, mais on va faire ça via Facebook. Donc, si vous voulez participer pour gagner des petits goodies, jeux et autres trucs là, qu'on prépare pour vous, ben abonnez-vous à la page de puissance maximale parce qu'on va passer via cette page-là afin de vous... offrir ce genre de petits produits et cadeaux qui nous feront vraiment plaisir de vous offrir. Et voilà. Et M. Castegan, vu qu'on est à puissance maximale, qu'est-ce qu'on fait? On commence en musique, bien évidemment. Crée-moi qu'elle allait sortir mon Game Boy. Et non, malheureusement. Mais là, on va y aller avec, justement, là, vu qu'il est 19h. Là, on sait qu'il y a des gens là qui vont aller voir, qui vont aller écouter le hockey. Ben, bonne game à vous. Mais en fait, non, ben, vous pouvez... mettez votre TV au hockey. Mais anyway, mettez-nous en sonore, parce que on s'entend que les commentateurs, c'est pas important. Non, c'est ça. T'sais, vous le voyez, là, qu'est-ce qui se passe à la TV. Là? Vous n'avez pas besoin d'entendre un gars dire en plus « Ah, t'es le gars, tire et fais un but! » Vous le voyez. Vous le voyez. Mettez puissance maximale, puis mettez la TV à mute, et voilà. Et voilà, c'est réglé. Et en plus, vous allez pouvoir entendre de l'excellente musique. On va commencer tout de suite avec le groupe Bodakdan et la chanson « Du rhum des femmes », un classique revisité. Et on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD-FM 96.9 à Lévis. Quand on jette sur le pont, nous c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Tu rentres des femmes et derrière l'homme de Dieu, un accordéon pour passer tant qu'on veut. Tu rentres des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que ça nous emporte, on n'a rien trouvé Dieu. Wow, on n'a rien trouvé Dieu. Ça fait une paix qu'on n'a pas touché terre. Et même une paix qu'on se fait, des gonzesses en poussière. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Tu démontes la passerelle, la calatune est derrière. Tu rentres des femmes et derrière l'homme de Dieu, un accordéon pour masser tant qu'on veut. Tu rentres des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé Dieu. Wow, on n'a rien trouvé Dieu. Sous ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des rhums en photo. Blessure de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Tu rentres des femmes et derrière l'homme de Dieu, un accordéon pour passer tant qu'on veut. Tu rentres des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que ça nous emporte, on n'a rien trouvé Dieu. Wow, on n'a rien trouvé Dieu. 3000 du cap et des fois c'est les glandes. Quand t'as cœur qui dérape, les tripes qui fermentent. Je serai pensé aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. Tu rentres des femmes et derrière l'homme de Dieu, un accordéon pour masser tant qu'on veut. Tu rentres des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que ça nous emporte, on n'a rien trouvé Dieu. Wow, on n'a rien trouvé Dieu. Hi, this is Pat Contry, the NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Bodakdan et du Rhum des Femmes, un classique. Et là, on va passer d'un classique à un autre, mesdames et messieurs, parce qu'on va parler de mythologie grecque. Et oui, mesdames et messieurs, enfin, on va parler littérature avec M. Guy Bergeron, auteur de la région ici, de la rive sud de Québec. Salut Guy, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, très bien. Puis là, pour ceux qui connaissent pas Guy Bergeron, un petit rappel rapide, justement. Guy a... écrit plusieurs romans, en fait, dans le style heroic fantasy. Donc, ceux qui pensent un peu à, évidemment, le Seigneur des Anneaux, dans ce genre-là, là, de genre d'univers. Ben, Guy a travaillé là-dedans, en fait, deux trilogies dans cet univers-là. Ouais. Deux livres aussi, on pourrait dire des hors-séries dans, oui, dans ce même univers-là. Il a même écrit de la science-fiction dans une autre série qui s'appelle Clown Vengeur. Exactement, oui. Et là, c'est que là, on a quand même un auteur prolifique avec nous. Mais là, Guy, t'as décidé de te lancer un autre défi. Et là, on parlait de classique. Quand on parle de classique, là, dans ce cas-ci, on parle d'un... On pourrait dire d'un texte fondateur de la littérature occidentale. On parle ici de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Donc, on va parler de la guerre de Troie. Oui, qu'est-ce, exactement, qui t'a poussé à rentrer dans ce sujet-là? Dans ce monde-là, ouais. Oui. Quand j'étais jeune, moi, j'ai développé déjà une fascination pour ce monde-là, pour toute la mythologie grecque. J'ai lu déjà très jeune l'Iliade, l'Odyssée. J'aimais la symbolique qu'il y avait là-dedans et tout ça. Puis, par exemple, je trouvais ça assez ardu à lire, évidemment. Là, je pense que tu l'as déjà lu aussi, Michael. C'est pas, oui, facile, oui. C'est pas à la portée de tous. Ça a quand même été écrit à genre 500 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, en parlant surtout à des gens lors de mes salons du livre, etc., ben, je voyais que la vraie histoire de l'Iliade et tout ça, et de l'Odyssée, n'était pas vraiment connue. Puis, je me suis dit que ce serait une bonne chose, peut-être, de la, entre guillemets, le vulgariser ou de la rendre vraiment accessible. Pour que les gens connaissent ça puis prennent goût à cette culture-là et à la mythologie grecque, là, qui est vraiment fascinante. Donc, on rappelle aux gens l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'histoire, la grande histoire finalement de la guerre de Troie, où on a les Grecs qui tentent d'aller chercher Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte. Donc là, Sparte, il y a bien des gens qui viennent d'allumer en parlant de ça. Beaucoup de gens avec la série de films 300 savent de quoi on parle, qu'on parle de Sparte. Ouais. Hélène qui aurait été enlevée par Paris, le prince de Troie. Qui est en Asie mineure, en fait. Ouais. En Turquie, maintenant. Là. Ouais. Et là, s'ensuit une guerre, entre autres, avec Achille, qui est plus connu. Et se terminera ce récit-là avec l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse, roi d'Ithaque, vers ses îles. À la maison, ouais, exactement. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de voir les interventions des dieux tout bout de champ, là, les dieux qui vont se camper d'un côté ou de l'autre, qui vont venir presque littéralement au coup, oui, les uns avec les autres. Puis même sur le champ de bataille, là, je suis rendu justement, parce que moi, j'ai commencé à lire ça, j'en ai déjà la moitié de lu. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, il y en a qui pourraient trouver le sujet des fois ardu, parce que dans l'original, effectivement, pour l'avoir lu, avoir étudié ce genre de littérature-là à l'université, c'est difficile à lire pour les gens qui ne sont pas habitués, mais je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui s'arrêtent à cette difficulté-là, parce que c'est vraiment un récit fondateur, mais vraiment des plus intéressants. Et Guy, moi je te le dis tout de suite, grosse qualité de ton livre. Et là, c'est le tome 1 d'une trilogie. Là, De deux. Donc, les Chroniques de l'Olympe. Ben, c'est super accessible. On est dans un style qui se lit très bien. On comprend tout. Puis en plus, au début, tu as quand même une bonne introduction au niveau des personnages importants, autant au niveau des dieux que des héros grecs et troyens. Donc, ça se lit très bien. Ça coule bien. C'est pour ça qu'en deux jours, j'ai la moitié du livre de lu. Puis j'ai pas lu 10 heures en ligne, là. Je veux dire, ça se lit très bien, puis on comprend tout du premier coup. Ah ben merci. C'est sûr qu'un des grands défis là-dedans, c'était d'essayer de rendre ça justement accessible, c'est de réduire beaucoup le nombre de personnages, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Simplifier ça un petit peu, puis j'ai aussi ajouté ma petite touche personnelle, comme tu as vu ici et là aussi. Là, je me suis un peu basé de mon fantastique. Ben oui, ben oui, tout à fait, avant. Ben oui. Ben c'est ça, d'ailleurs, je vais répéter un peu ce que Mike dit, là. Moi, je suis pas un gars qui lit énormément, là, t'es en fait de romans, là, tout ça, puis regarde, moi, j'ai tous les livres de Guy, là, parce que justement, c'est hyper accessible, ça se lit tout seul. C'est pas compliqué, ça se lit tout seul. Tu le lis, là, puis tu te dis, ah, je vais lire une autre page, t'sais, puis oh, oui, ça finit que tu t'es fait absorber, puis là, tu fais, bon, ben, il est rendu 2h du matin, nous, je vais me coucher. Non, c'est dans ce genre de lecture-là, puis en plus, pour les fans de littérature épique, là, on est dedans, là. Oui. Je veux dire, moi, félicitations aussi pour les scènes de bataille. Là, j'en ai lu une, justement, où on a... c'est Achille qui se bat contre un des alliés troyens. Cyclos, le roi de Colonne. C'est en plein ça, où il se bat contre lui. Il s'appelle de son livre. Ah, hey. Ça rappelle, ça paraît-tu que c'est lui qui l'a écrit? Ben oui, on dirait que c'est lui qui l'a écrit. Là, il se bat contre lui, c'est vraiment... La bataille est bien décrite, on le voit. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. J'adore ton style d'écriture, Guy. Ben, merci. Autant, j'avais lu deux autres livres aussi avant, là, qui étaient tes deux hors-série dans ton monde fantastique. Oui. Là. Mais c'est quoi là? Je veux dire, on sait que c'est une grosse matière à digérer. La mythologie grecque, déjà, que c'est on le sait que la plupart des gens connaissent les dieux principaux. Les principaux, oui. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la mythologie grecque est au pluriel. Il peut y avoir différentes versions du Zeus. C'est pas juste le dieu de la foudre, le roi des dieux, mais il peut y avoir le Zeus vainqueur. Il y a même, en tout cas, pour avoir étudié la chose, il y a même un Zeus agriculteur. Comment on ça fait peut être complexe, pour se retrouver dans une matière comme ça puis réussir à amener une œuvre, à réussir à écrire un roman qui se garoche pas dans tous les sens? C'est ça qui est le plus difficile, c'est l'élagage qu'il faut faire en partant de l'histoire originale. En passant, je me suis pas juste basé non plus sur les écrits d'Homère qui aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée. Je me suis aussi basé sur l'Énéide un petit peu pour ce qui va s'en venir, surtout dans le tome 2, et aussi sur d'autres écrits qu'il y avait eu de d'autres auteurs de ce temps-là. Fait que c'est vraiment l'élagage qui est difficile. Fait que moi, j'ai l'avantage d'être quelqu'un d'assez structuré. Fait que j'ai été capable de me faire un bon plan avant de démarrer, m'assurer que mes personnages étaient bien en place, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'élague, etc. Puis avec ça, ça a super bien été finalement pour la rédaction, un coup que j'ai été vraiment prêt là, à commencer. Parce que là, dans les choses qu'on retrouve, entre autres, dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est que il y a énormément, mais énormément de personnages. Écoute, t'es-tu allé de tes coups de cœur personnels pour faire le choix des personnages que tu allais présenter dans ton roman, ou t'es quand même allé d'un... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment d'un point de vue objectif, on pourrait dire, là, pour le récit, ou tu es vraiment allé avec tes coups de cœur? J'ai fait un peu des deux. J'étais allé avec les personnages que j'aimais beaucoup, mais aussi ceux que je trouvais les plus importants, évidemment. Quand un personnage, par exemple, dans le livre original, causait une action qui était importante, mais qu'on le voyait une seule fois, puis après ça, on ne le revoyait plus du livre, ben cette action-là, peut-être, je la faisais faire par un autre personnage, histoire d'éliminer quelques personnages. Mais généralement, c'est les personnages les plus importants, avec quelques coups de cœur, comme entre autres Acamas, qui est un des personnages principaux, mais qui n'était pas vraiment dans l'Iliade, mais que moi, je mets en avant-plan, avec une princesse troyenne aussi, la Odyssée. Oui, c'est ça, Camas, qui est comme, en tout cas dans ton roman, le bras droit un peu d'Ulysse. D'Ulysse, oui. Ça, c'est la seule transgression, je te dirais, que j'ai faite de l'œuvre originale, où Acamas, en fait, n'était pas un Ithaquien, donc un habitant d'Ithaque qui venait avec Ulysse. Il venait d'ailleurs, mais pour les besoins du livre, j'ai un petit peu modifié ça. C'est à peu près la seule chose. Il n'y a aucun nom qui a été créé. Tous les personnages viennent vraiment de l'Iliade et l'Odyssée. Il faut dire que dans le cas d'une adaptation, là, ce qui est le cas un peu de ton roman, là, c'est tout à fait des choix difficiles, mais je veux dire, c'est intéressant de voir ce que les gens peuvent faire avec une matière aussi riche que ce récit-là, en fait, qui a été repris à des... Combien de fois? Ouais, c'est ça, on les compte plus, autant au niveau de la littérature que du cinéma. La plupart des gens d'aujourd'hui là, connaissent le mythe de Troie, de la guerre de Troie, avec on en parlait hors d'onde tantôt du film Troie avec Brad Pitt. Ça, c'est un film que la plupart des gens qui me connaissent savent que je j'aime pas beaucoup. T'as pas ce trop film. Aimé, non? Non, pas trop. En fait, j'avais beaucoup aimé, comme j'avais dit tantôt, tout ce qui est la réalisation des scènes d'action, des scènes de combat, c'était très, très, très bien. Mais chose que je voulais aussi souligner dans ton roman, c'est qu'on a une belle place pour les dieux. Parce que je sais pas, on avait peut-être essayé dans le film avec Brad Pitt de ramener ça plus vers l'humain seulement. Vers l'humain, mais on parle quand même d'un récit. La guerre de Troie, ça serait passé effectivement il y a de cela, en fait, on dit avant c'est ça, 1200 avant Jésus-Christ. Mais le récit en tant que tel qu'on connaît, c'est un récit principalement mythologique. Ah oui. Qui est le point de départ de la guerre de Troie, c'est les dieux. C'est la discorde avec trois déesses, puis la présence des dieux. Ils sont omniprésents, là, ils sont partout dans le récit. Fait que moi, je me voyais mal occulter ça. Là. Je voulais le garder, puis c'est de quoi qui me fascine d'ailleurs. Mais c'est ça, toi, vu que t'es dans le monde du heroic fantasy, du fantastique, dans ton écriture, t'as pas eu trop de difficultés à insérer les dieux dans ce récit-là, des fois, que les gens pourraient prendre... Non, pas du tout, parce que déjà, dans une autre trilogie que j'avais écrite, L'héritière de Férolia, les dieux sont vraiment omniprésents, un peu comme c'est le cas ici dans ce roman-là, dans Fils de Troie. Fait que c'est de quoi que j'avais déjà jonglé avec pas mal, là. Écoute, par rapport justement à l'utilisation du fantastique, écrivant un peu pour dans le cas du jeu de rôle, dans mon cas, dans des mondes, des fois, que j'essaie d'avoir plus réaliste, est-ce que t'as peur, des fois, j'allais dire, t'as-tu peur des dieux? Mais t'as-tu peur de l'utilisation des dieux puis du fantastique, des fois que ça pourrait rendre le récit peut-être... On essaie tout ça. On essaie toujours de faire ça trop ouais, gros, on trop tape à l'œil. Ou... J'ai l'impression qu'on essaie toujours quand même d'ancrer le lecteur dans une certaine réalité pour qu'il puisse s'y reconnaître. Est-ce que tu penses que des fois, le fantastique puis les dieux, selon certaines utilisations, ça peut amener une distance? Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. C'est comme l'utilisation de la magie dans des romans aussi. Il ne faut pas que ça prenne toute la place. Il faut que ça soit accessoire aux personnages, à l'histoire. Il faut que tes personnages soient assez profonds. En tout cas, c'est ce que je pense. Puis c'est pour ça que je dis que oui, l'utilisation des dieux, c'est bien, mais encore là, il faut qu'ils soient presque accessoire. En tout cas, dans mon cas, je dis pas qu'il n'y a pas de quoi qui pourrait s'écrire juste sur les dieux, là, mais pour ici, je voulais pas que ça prenne toute la place non plus. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que les dieux, quand ils interviennent, on pourrait remplacer l'intervention divine quasiment par justement des causes naturelles. On a un événement dans la guerre de Troie où justement les Troyens, les Grecs, dans leur campement, sont frappés d'une maladie. D'une épidémie. Et là, dans le livre, c'est le dieu Apollon, donc dieu soleil, le dieu archer, un dieu avec plusieurs titres là, qui décide de se venger d'Agamemnon. Il descend sur terre puis il envoie des flèches à des bêtes et à des hommes, et quelques jours plus tard la maladie apparaît. On aurait pu remplacer ça tout simplement par on est au camp, quelques jours après la bataille la peste s'installe. Ça reste, malgré la présence des dieux, on a des personnages qui sont je trouve en tout cas que les personnages comme Achille, les héros, sont plus importants que les dieux, malgré le fait que les statues des dieux. On pourrait penser qu'un statut d'un dieu, justement, quasiment omnipotent, omniprésent, surpuissant, pourrait des fois altérer le récit, mais là, vraiment, les héros prennent. Que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Je voulais que l'accent soit vraiment mis sur les héros, sur les personnages, les approfondir le plus possible, justement. C'est intéressant, les dieux, mais c'est quand même un petit peu accessoire, si on veut. Comme tu dis, ça aurait pu être remplacé. Il y a une autre scène où, là, c'est un fleuve qui déborde de son lit. Encore là, tu vois, ça aurait pu être... Là, c'est un dieu qu'on l'explique ici, mais ça aurait pu être une cause naturelle aussi. Dans question toute personnelle, ton héros préféré dans ce grand récit-là, la plupart des gens vont être Achille ou Hector, parce que c'est les grands guerriers. Mais est-ce que toi, J'ai deux faibles, en fait. Ouais, vas-y donc. J'aime bien Diomède, qui est un jeune roi, c'est le plus jeune, en fait, de la coalition grecque là, qui va attaquer les Troyens. Et j'aime beaucoup Ulysse aussi, à cause de son... Sa ruse et tout ça. C'est pas juste des gros bras, finalement. Là. Toi, finalement, quand tu as réécrit les personnages pour ton roman, est-ce que tu es resté... Parce que là, moi, à date... Je dirais que j'ai pas été étonné de la façon que les personnages réagissent. Ils sont quand même fidèles à la tradition, là. Mais toi, est-ce que, là, je suis rendu juste à la moitié, là. Tu pourrais peut-être m'étonner ou. Non, il reste quand même fidèle, à ce qu'il faisait, là. Ça, j'ai voulu garder ça aussi. Puis, j'ai aussi essayé de garder une petite couleur aussi originale dans les dialogues, là. Même si c'est pas exactement comme les dialogues étaient dans le temps. Oui. Mais un peu différent. Là. On le sent. Non, on le sent quand même. On n'est pas dans le. Ça sonne pas, comment je pourrais dire ça, j'ai le mot sur le bout de la langue, là. C'est pas anachronique comme discours. Okay. On se sent... on est dans cette tradition héroïque fantasy que tu connais bien, mais on est dans le récit grec ancien, on se sent pas dépassé, on est dedans sans farce. Les dialogues aussi sont excellents. Petit changement peut-être que j'ai fait aussi, j'ai peut-être donné une place un petit peu plus prépondérante aux femmes, comparé à l'original, parce que dans l'original, on le sait, là, la femme, à part être esclave ou prêtresse, là, c'est à peu près tout. Là. Non, c'est ça. Y a quelques personnages féminins là-dedans, Monique, qui prennent l'importance un petit peu au cours du récit. Puis je trouve ça intéressant aussi, parce que les personnages sont plus nuancés. Parce que même si tu as conservé les caractères des personnages originaux, ils sont plus nuancés que dans les récits originaux. Je veux les rendre humains aussi, là, pour qu'on s'y attache un peu plus. Parce que ça, c'est un truc, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, quand on parle d'Achille, habituellement, les gens qu'on qualifie de héros dans la littérature grecque ancienne, ce sont habituellement des demi-dieux. Et là, dans le cas ici, on a ces personnages-là qui arrivent, mais on les sent humains, malgré le fait qu'ils soient, justement, la bataille tantôt entre le roi de Colonne et Achille, même si le roi de Colonne, c'est le fils de Poséidon, et on sent quand même, on le sent pas nécessairement invulnérable ou immortel. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment bien réussi. On amène la nature humaine de ces personnages-là. Là. Oui, c'était un début pour les rendre vraiment accessibles. T'avais-tu peur un peu de... Je sais que c'est dans la réécriture et dans l'adaptation. T'es quand même resté fidèle, mais t'es allé avec, comme tu dis, toi-même, avec ta sauce. Là. Une petite touche, oui. Puis à mesure que le livre va avancer, là, peut-être tu vas te rendre plus compte aussi, là, où j'explique des choses qui ne sont pas expliquées dans le livre nécessairement, des actions qui sont faites par les dieux, comme par exemple, à un moment donné, Héra qui qui fait un petit tour de passe-passe à Zeus, ben j'explique comment elle le fait pour arriver là, alors que dans le livre, c'est pas expliqué du tout. Là, j'ai mis une petite touche vraiment fantastique là, à ce moment-là. Mais vraiment une explication, et expliquer le phénomène, parce que souvent, c'est ça, dans le fantastique, surtout dans l'Heroic Fantasy, qui nous en est des fois des univers de jeux de rôle, maintenant, on a l'explication de la magie d'un sort ou de trucs du genre. Ouais. J'avoue que, parce qu'avant, il nous disait Zeus réussit à charmer grâce à ses pouvoirs et... C'est ça, ou Hera, Zeus, et on ne sait pas comment. On ne sait pas comment il fait, malgré que c'est le roi des dieux et qu'il est supposé être tout puissant. Là. Je trouve encore une fois un bel ajout à l'œuvre originale. Écoute, Guy, le temps passe très vite. Je renomme le titre du livre qui s'appelle Fils de Troie, disponible aux éditions Porte-Bonheur. Oui. C'est le premier tome de Chronique de l'Olympe. Là. Le deuxième tome devrait suivre d'ici, on verra, là, peut-être un an ou quelque chose comme ça. OK, c'est-tu déjà fini d'écrire? Non, ou t'es en train, cours. Tu bûches dedans déjà? Début. OK. Mais ça devrait bien aller. Donc, c'est disponible en édition électronique? Électronique aussi, et dans toutes les librairies également. Allez-vous chercher ça, mesdames et messieurs, de M. Guy Bergeron, Chronique de la Lime, Fils de Troie. Et là, en plus, on a M. Bergeron en studio, et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amené un exemplaire de son livre à offrir. Et qu'est-ce que ça veut dire, M. Castegan? Aha. Et voilà, c'est le thème du concours à puissance maximale. Et ça veut dire que ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va vous demander, jusqu'à lundi prochain, en fait, on vous laisse quand même jusqu'à lundi, de partager la page de puissance maximale avec une mention, on a parlé des fils de Troie à puissance maximale. Et quand lundi prochain, on ramasse tous les noms qui ont partagé la page et on va faire on va tirer ça au sort et M. Bergeron va avoir la gentillesse de dédicacer son livre à la personne gagnante. Bien sûr. Et même, on pose-tu une question? On fait juste demander de partager. J'ai la décision de Guy. Ouais. On y va pour une question. On y va pour une question. Je te laisse choisir la question. Écoute, j'avais pensé à ça, moi, ce matin, avant de m'en venir, et je me suis dit, pourquoi pas, on en a parlé en plus souvent pendant l'entrevue. Mesdames et messieurs, M. Bergeron fait la réécriture avec les fils de Troie de deux œuvres majeur de la littérature occidentale, pour pas dire grecque. Quel est le nom de ces deux œuvres? On en a parlé pas mal pendant l'entrevue. Ça devrait être facile. Tu l'écriras sur le mur Facebook. Voilà. Vous pourrez aller voir ça. Prenons une petite photo du livre en même temps. Là. On pourra faire ça pendant la pause. On va faire un selfie avec le livre. Non, c'est ça. Pendant la pause, on va vous envoyer ça. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour poster la page Facebook de M. Guy Bergeron, sa page d'auteur. Vous en profiterez pour aller l'aimer également. Oui, parce que nous autres, on l'aime. Il y a toutes les bonnes raisons pour que vous l'aimiez. C'est ça. Il y a aussi mon site internet, guybergeron.com. Si jamais vous voulez me contacter, par là aussi, il y a tous les résumés de mes romans, etc. Puis d'ailleurs, mentionner que Guy... sera présent au GeekFest Québec aussi. Yes. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, je vais être là. Parce que nous autres, on sera là. Il n'y a pas juste puissance maximale. Il va y avoir plein d'invités, dont M. Bergeron. Si vous voulez le rencontrer pour parler de littérature et pour une petite dédicace, ça sera on le moment. On dit ça de même, là. On n'a plus de place, mais je te l'offre pareil, là. On fait un show en direct. Arrête d'offrir ça à tout le monde. Il ne se passera rien dans ce show-là. Il va tellement avoir de monde sur scène qu'on n'aura pas le temps de rien faire. Oui, mais moi, c'est parce que je veux que ça devienne un cauchemar logistique pour le technicien. On s'en reparlera. Ah, mais là, on a M. Pierre Courtemanche, là, qui vient de nous envoyer une réponse directement sur la page de puissance maximale. Pierre, tu as presque réussi. En fait, ce qu'on demande, c'est, avec la réponse, de partager la page de puissance maximale. Puis, sur envoie votre la mur. Réponse par message privé, ça va. Non, mais on. Non, mais c'est correct, sa page aussi, mais. C'est juste qu'on peut comptabiliser le tout, mais en tout cas, moi, je dis que Pierre a parlé une réponse. Je sais pas si c'est la bonne, mais vous pouvez aller voir sur le mur de puissance maximale. Ça pourrait peut-être vous inspirer. C'est lancé. Alors, merci beaucoup, Guy, d'être passé à la puissance maximale. Merci pour l'invitation. Toujours content de te recevoir et de te croiser partout pendant les lancements ou au Salon du livre. Merci beaucoup d'être venu parler de ton livre, je répète, Fils de Troie, des premiers tomes des chroniques, en fait, de l'Olympe. Merci beaucoup. Et Monsieur Castegan, après cette entrevue, nous allons passer en musique. Et cette fois-ci, on va aller écouter un classique des années... Justement, quand j'ai vu le titre dans Blélie, j'ai fait « Ah, ouais ». Même quand j'étais au cégep, je pense que c'était déjà T'as même pas mis la deuxième suggestion de Megadeth que je t'avais donnée. Ah, ça sera la semaine prochaine, M. Castegan. Ah, c'est mais tout, ça, tu me l'avais pas c'est dit. C'est tout déjà prévu. Mais là, ce qu'on va l'entendre, c'est « Rollin' de Limp Bizkit ». Et oui, mesdames et messieurs, à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Chocolate starfish. Keep on rolling, baby. What you gonna do now? Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, rolling, rolling, rolling up. Keep rolling, rolling, rolling, rolling up. Keep rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Now I know y'all be loving this shit right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. One, two, three, top two, two to six. Chosen for your fix of the Limp Bizkit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Throw your hands up. Throw hands up. I'm Draken, also Alexander. I'm Dual Ryan, also Ryan Roth. We made Starseed Pilgrim. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Limp Bizkit et Rollin, hein, quand je vous dis que je suis allé chercher ma musique loin cette semaine. Ça s'en sentait un petit peu éboulamite. Ouais, un peu quand même. Mais là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus frais, on va dire ça comme ça. On va parler de webcomic, on va parler avec monsieur Étienne Desilets. On va parler de son webcomic Frivolesque. Salut Étienne, comment ça va? Salut. Et là, écoute, on est tombé là-dessus, ça fait, c'est une amie commune en fait... pas le nommé Pascal, okay. qui m'avait envoyé le lien pour que j'aime la page Facebook. Qui nous écoute d'ailleurs, je pense. Ben, sûrement. Ben, en tout cas, si je me fais la page Frivolesque, oui. Là. Ok, il m'a envoyé un petit texto pour me dire qu'elle nous écoutait. Bon, ben, salut Pascal. Puis moi, ben, c'était Sabrina, des oui, contre-attaques. Oui, c'est vrai. Elle aussi. Pour pas les nommer. Non, c'est ça. Puis là, ben, je suis tombé là-dessus, puis je suis allé regarder ça. On a, j'ai devant moi, on a quand même un comic à saveur manga. En tout cas, au niveau du style, quand est-ce que ça t'a pogné le goût de faire un webcomic, Étienne? Est-ce que c'est de la job, là? Honnêtement, moi, ça fait depuis que je suis sur Internet, genre en 97-98, que je voulais faire ça. Puis là, je voyais les balbutiements à l'époque des gens qui commençaient ça. T'avais PVP, t'avais Penny Arcade, t'avais des affaires comme ça. Puis je disais, je peux faire ça, moi aussi. J'ai essayé de le faire, puis j'en ai fait 2-3, puis c'était fini. J'ai dit, ah non, j'ai pas de talent, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût. J'avais plein d'excuses. Là. Puis, je sais pas, là, je dessinais tout le temps pareil, mais j'ai arrêté ça. Puis, l'année passée, ça m'a repris. Fin 2012, genre, j'ai comme eu un trip, là. Bon, c'est là que je fais ça. Puis, l'année passée, il y avait Penny Arcade que je parlais justement, qui ont sorti un reality show qui s'appelait Strip Search, que c'était des artistes de webcomics qui faisaient une BD dans un format reality show. Là, c'était super intéressant. Ils éliminaient des compétiteurs. Puis okay. J'étais là, je pourrais faire ça. Et j'ai commencé là. Non, mais tu vois, t'as bien puis fait. Puis j'ai pas arrêté depuis. Parce que on a quand même un très, très, très beau résultat. En fait, c'est très pro. Ouais. Pour citer M. Bergeron, tantôt hors d'onde, c'est très pro, en fait. Oui, ben Étienne, pour le talent, il n'y a pas de problème, là. Je pense que... Non, c'est ça. T'as pu avoir de doutes. Bon, ben c'est super gentil. Mais là, toi, tu voulais faire une BD. T'es parti de quoi? C'était quoi ton idée originale? Qu'est-ce que tu voulais faire comme BD? En fait, j'avais pas vraiment d'idée. J'avais plein de personnages qui traînaient. Moi, j'ai un artiste qui dessine des personnages. Je fais rien avec, là, puis ils traînent, puis ils ont des histoires dans ma tête, mais je fais rien. Puis là, je me suis dit, pour commencer, aussi bien commencer avec quelque chose de... Juste prendre les personnages, un peu avec un format... tu sais, les Japonais font ça, des styles comme des mangas qui s'appellent Azumanga Daio ou Keion. C'est juste 3-4 filles qui font rien, puis suivent leur vie un peu, puis leur petite histoire de la vie de tous les jours. Là. Non, c'est ça, simple, puis je peux faire ça pour commencer. Là. Parce que moi, j'ai regardé quand même quelques strips, là. C'est, je les ai pas toutes lues encore, mais est-ce que c'est un long, longue histoire qui suit, ou c'est vraiment, on peut lire les strips quasiment en désordre, puis... Non, chaque strip, le thème, c'est que chaque strip part un petit peu avec, après celle qui la précède, puis est un petit peu comme semi-punché à la fin, là, mais c'est pas comme, c'est pas des grosses jokes ou rien, là, mais... Donc, c'est dur d'en prendre juste une, puis de trouver ça drôle. Faut en lire quand même quelques-unes. L'humour vient surtout, justement, de connaître les personnages. C'est surtout de la situation avec leur personnalité. Fait que juste en lire. J'en fais des fois des petites one-shots que le monde aime. Là. C'est ceux-là qui sont les plus populaires, évidemment. Mais ouais. Je vais essayer de toujours en faire un petit peu puis de rester quand même avec mon style un peu plus continu. Hein. Là, pour le moment, le site, c'est il est en anglais seulement? Oui, il est seulement en anglais. Là. Mais on a parlé tantôt, ouais, là, hors d'ordre. Là, tu travailles sur une version française. C'est ça. Ben, la BD, je la fais. Quand je la crée bilingue. Là, puis là, okay. Je garde mes versions françaises jalousement pour moi-même. Je vais les mettre sur Internet, aussi que je vais avoir le temps de travailler sur le site. En fait, hein. c'est un cartable, il y a ça dans l'événement pour dire, tu vois ma BD en français, comment qu'elle est cool. Elle existe. Non, c'est ça. C'est si ça, tu c'est... veux la lire, il faut que tu t'installes devant mon booth. Comme ça, il y a du monde en avant. Non, c'est ça. je dis, elle existe. Arrêtez de dire que je suis un traître. Je l'ai fait bilingue. Ça s'en vient. Mais le site est très bien fait, d'ailleurs, puis c'est pas compliqué naviguer dedans, en fait. Et là, je me demandais, quelles sont tes sources d'inspiration, Étienne, pour tes personnages? Parce que je crois reconnaître non. des gens. Non. Non? Non. Tout le monde me dit toujours ça. C'est faux. Okay. Je pense que en fait, c'est bon. Je pense que c'est moi qui influence mon entourage. Non, c'est pas vrai, mais non. c'est sûr que j'ai beaucoup. Tu sais, j'ai toujours été un fan d'animé, manga. Et j'aime ça, les petits designs sympathiques. Là. Je dessine beaucoup de filles. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis de filles aussi. Fait que peut-être que oui, tu vois peut-être des choses qui des traits de personnages ou de looks qui peuvent traverser dans ma BD, mais c'est pas vraiment inspiré de personne en particulier. OK. Voilà. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Je suis content, en même temps, on a eu un petit moment de silence malaisant à la secteur 51. À la secteur 51. J'aurais pas besoin de le faire. Je me le fais souvent demander parce qu'il y a souvent du monde qui dit « Ah, on dirait que c'est telle personne. » Mais je prends ça flatteur. Je me dis parce que je rends mes personnages assez vrais que le monde reconnaisse des personnes qu'ils connaissent dedans. Là. Mais en fait, avec les dessins qu'on voit, je veux dire... pour trouver des ressemblances à des personnes réelles, il faut qu'il y ait quand même un vrai bon talent. Là, ça, prends-les comme ça. Il y a une personne réelle dans la BD à date. C'est un itinérant de Saint-Roch. Je me sens mal de l'avoir dessiné, mais ben, les gens qui l'ont vu ont trouvé ça drôle. Ça, c'est une autre question que je voulais te poser. Parce que là, l'environnement où se passe ton webcomic, c'est pas à Boston ou à Los Angeles. C'est pas à Lévis non plus. C'est pas à Lévis non plus. Je m'inspire de ma vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours, elle se passe dans Saint-Roch puis dans Limoilou. Fait que je fais ça. Je me dis tout le temps, si Brian Lee O'Malley a pu prendre Toronto puis faire Scott Pilgrim avec ça, je peux prendre Québec puis faire une petite BD moi aussi. Ouais, j'avoue que Québec... C'est plus le fun que Toronto. C'est ça. C'est plus fun que Toronto. Personne parle de Québec. Fait que, parlons-en. C'est un gars qui a pu se battre contre des ex diaboliques en Ontario. Imaginez ce qu'on peut faire à Québec. Mais là, avoir des astronautes qui se renversent du thé dessus. Je fais référence à la première BD. C'est ça. Mais en fait, parce que les gens là, qui se posent la question, là, comment qu'on fait pour reconnaître que c'est à Québec, pour pas nommer le quartier Saint-Roch, entre autres, là, juste à lire le webcomic, là, vous allez voir qu'il y a des, il y a des références assez claires à ça. Pour pas nommer, en fait, tu voulais en parler, là, je voulais arriver à ce sujet-là, du phénomanga. Ah oui. On en parle souvent à l'émission parce que c'est un commerce qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup les filles. Les propriétaires, on les adore parce qu'ils font des activités super intéressantes, des produits super intéressants et vraiment un commerce différent à Québec. Mais là, toi, tu m'as dit tantôt, avant qu'on entre en onde, que s'il n'y avait pas eu de phénomanga, il n'y aurait pas eu de frivolesque. Explique-moi ça. Mais il y aurait eu un frivolesque, mais il serait resté petit chez nous puis pas très visible. En fait, c'est les dames du phénomanga qui m'ont. Moi, je travaille de chaque côté. Je passe souvent à mes midis là, je dessine là, ce sont mes heures de lunch. J'aime beaucoup la place, puis ça fait partie de mon quotidien, donc ça m'inspire et j'avais le goût de le dessiner. Donc j'ai fait une scène qui se passait à la boutique. Les gens du phénomanga ont vraiment aimé ça beaucoup, ils m'ont fait des plugs, ils ont mis ça sur leur Facebook, ils ont parlé de ça à leurs clients, puis voilà, je me suis ramassé avec une petite auditoire qui a comme décuplé en l'espace de 2 semaines. Fait que je leur en dois une, eux autres. Là. Mais en fait, le phénomanga, c'est une communauté. Là. Il y a bien des gens qui passent par là dans une semaine, qui peut, puis en, aussi au niveau des médias sociaux. Qui peuvent découvrir bien les choses via Sonia et Jenny, là, pour pas les nommer. Donc, grâce à elle. Elle est très sympathique. Ah oui, bah oui, elle est très sympathique. Toujours content de les voir. Je suis déçu, moi, quand je vais au Phénomanga, puis je les vois pas. Mon expérience Phénomanga est pas la même quand Jenny et Sonia ne sont pas là. Donc, sachez-le, mesdames, on aime ça vous voir. Quand on parlait de lui, d'ailleurs, je suis en train de naviguer les pages. Là, oh, oui. Fond. Je viens de reconnaître un spot de l'Université Laval. Oui, absolument. J'ai dessiné le pavillon de Coninck à l'intérieur à un moment donné parce que... Pas le pavillon de Coninck. Oui, non, le pavillon de Coninck. Peut-être le pavillon que je connais le plus de l'Université Laval et j'ai jamais étudié là-bas. Mes quatre ans d'études universitaires ont été passés au pavillon de Coninck. Et il faut que je trouve ce strip-là. Il faut que j'aille voir. C'est dans les premières. J'ai un personnage que c'est une étudiante, donc je trouvais que c'était parfait de faire comme setting l'Université Laval. Puis il y a d'autres personnages aussi qui s'inspirent de vraies personnes. Je vois l'entraîneur de Rocky. Ah, ben il est mélangé entre l'entraîneur de Rocky et Clint Eastwood dans le film. Ouais, ben c'est ça. Ils s'ensemble. Puis il y a aussi du film de boxeuse, là, la fille qui est incarnée. Il l'a dit, Million Dollar Baby. C'est la méchante dans Million Dollar Baby que j'ai mis dans. Ok, d'abord, j'ai rien dit. Elle peut ressembler à Michelle Rodriguez dans Girl Fight aussi. Aussi, je trouve qu'elle avait. Les histoires de boxe, je sais pas trop pourquoi, sans pour autant être un fan de boxe pour vrai. J'étais trop occupé à essayer de reconnaître les spots. Les films de boxe, j'aime ça moi aussi. Moi, je trippe sur Rocky, c'est un de mes classiques. Ben, c'est des très bons films. Et étrangement, Punch-Out au Nintendo aussi, qui se ramasse dans la BD. Oui, aussi. Sauf que. Non, j'en parlerai pas au cas où ça soit mal interprété. Non, c'est ça, t'es toi donc, toi. Mais là, j'ai deux questions pour toi. Alors, on a parlé tantôt, tu viens de nous en parler, on en a parlé hors d'onde avant l'émission tantôt, on a parlé de cinéma. Au niveau de ton inspiration, de ton travail en tant qu'artiste, est-ce quelque chose qui t'influence beaucoup, autant dans ton dessin que dans tes histoires ou tes idées, ou ça peut donner des petites inspirations, ou c'est vraiment majeur par rapport au cinéma, tu veux dire? Le cinéma, ce qui influence ton travail de BDiste? Je suis un grand fan de films, fait que j'essaie de faire des références souvent, comme la première case, c'est une référence à 2 millions d'ici de l'espace, on parlait de Million Dollar Baby tantôt, il y a des références à Rocky, j'ai toujours été un fan de... En fait, je suis fan d'histoire en général, cinéma en particulier, mais... Je veux mettre un peu de tout ce que j'aime dans ma vie là-dedans, que ce soit des références à des jeux vidéo, d'autres BD aussi. Parce qu'on en retrouve là, ça, on en parlait entre autres, puis là, je suis justement sur la cause du boxeur. Hein. Je l'aime bien, cette strip-là. Je me rappelle l'avoir dans celle que j'avais lue, là, j'avais beaucoup aimé ça. Puis là, les personnages, explique-nous là, les personnages que tu as. Là, il y a beaucoup de filles, en fait. Oui, à la base, c'est 5 filles, qui sont toutes, comme je disais tantôt, des personnages que j'ai inventés à différentes étapes de ma vie, qui n'avaient pas vraiment d'histoire ou rien. Là. Puis j'ai décidé de toutes les ramener, les 5, parce que je les connais un peu. C'est comme si c'était du monde que je connaissais, donc c'est facile d'écrire avec eux autres. Puis là, l'idée de frivoler, c'est de toutes les pitcher un petit peu dans le même univers, puis ce qui arrivera avec eux autres. Puis à date, je me fais du fun, parce que les gens qui lisent ça ont l'air à trouver les personnages intéressants. Ils s'attachent aux personnages. Je demande à du monde, tout le monde a leur préféré, puis c'est le fun, là. Là, je viens de tomber. Là, tu parlais de nous, là, de la strip là, sur le de Coninck, là. Oh, que je viens de le reconnaître. Il est assez brun. Les marches, là. Moi, c'est les cages d'escalier au centre. C'est un petit look années 60. Là, ouais, le de Coninck, là, il serait dû pas être renippé un petit peu, même à l'époque où j'étudiais là-bas. Là. Je l'aime comme ça. Il m'inspire justement parce qu'il est vieux. Non, j'avoue que. Je sais pas, t'es-tu déjà allé là à 2h du matin? Une fois dans les tunnels, c'était pas super cool. Non, ben c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est un peu freakant. Écoute, Étienne, très très intéressant, mais là d'ailleurs, je vais en profiter là, pendant que j'ai ça en avant de moi. pour partager, bien évidemment, le lien de la page Facebook. C'est très gentil. Sur la page de Puissance Maximale, si vous voulez aller regarder ça. Évidemment, là, ça, je partage la page Facebook, mais c'est tout ça sur un site internet, le frivolesque.com. Oui, et j'aime mieux aussi bien que le monde aille sur mon vrai site. Je vois les... Ben oui. Les visiteurs comme ça. Mais en fait, c'est pas compliqué. Vous allez sur la page Facebook, dans le... Il y a le lien. Il y a le lien. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver dessus directement. Écoute, je vais te poser comme dernière question, là, les projets qui s'en viennent. On sait que là, en français, tranquillement, pas vite, là, en tout cas, tu parlais peut-être de cet été, là, quand ouais, tu arrêtes des vacances. C'est la version française au plus vite, parce que je veux la faire. Là. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est bon, mais c'est pas ma job de faire la BD. Je suis occupé dans la Non, non, c'est ça. Fait que je fais ça comme hobby, mais je veux la faire en français éventuellement parce que c'est ça, c'est ma langue, ça me tient à cœur. Puis aussi, évidemment, je veux grossir la chose. Je veux me faire connaître un peu plus. Je suis allé à des chicons, là, 2 semaines où on s'est rencontrés. Oui, oui. Puis, ça a été une très belle expérience. J'aimerais ça refaire ça à d'autres conventions. Dans d'autres conventions. Ouais. Ben, j'espère qu'on va pas se croiser dans d'autres convention, puis tu vas faire connaître ton œuvre à plein de nouveaux mondes. T'as-tu, dernière question, là, c'est vrai, c'est la dernière, t'as-tu des projets de faire de la publication papier ou tu veux rester web? Je veux rester web, c'est ça que j'aime. J'ai toujours... La liberté. J'ai rentré sur Internet avec un trip de webcomics, c'est ça que je veux faire. Peut-être éventuellement en sortir sur papier, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, là, mais ça va toujours rester avant tout une œuvre Internet. Peut-être un jour, si je me trouve meilleur, faire une vraie bande dessinée un peu plus sérieuse et artistique et suivie. Là. J'ai plein de projets de même, mais c'est toujours une question de temps. Oui, mais c'est ça. À Puissance Maximale, on connaît ça. On connaît ça. Parce que projets. Nous aussi, on a des travaux. Ah non, en fait, je n'ai plus de travail maintenant. Ben, c'est vrai que j'avais oublié de l'annoncer. Tu pourras participer dans des vidéos de Pokémon avec Luduc. Ouais, t'as plus d'excuses. C'est ça. Compte-moi. Mais non, c'est ça. C'est le combat de tous les gens qui font des projets comme ça, bénévoles, Puissance Maximale, c'est la même chose. On aimerait des fois en faire plus, mais on dit, bah, tu sais, il faut cogner sa croûte. Oui. Faut aller, il faut faire le ménage. Des choses niaiseuses comme ça, mais qui doivent se faire. Des fois, c'est... Faire du quoi? Non, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que j'aurai le temps, une petite question à Étienne? Ben certainement, ah, ben, oui, vas-y. Étienne, est-ce que tu te donnes des deadlines? Est-ce que tu te dis, mettons, il faut que je mette de quoi en ligne à toutes les oui. des fréquences fixes? Absolument, j'essaie d'être aussi assidu là-dedans que dans une vraie job, même si ça ne me paye pas. Tous les lundis, j'ai une BD. C'est mon, okay. C'est pas beaucoup, mais c'est le mieux que je peux faire à l'instant avec le temps que j'ai. Là. Fait qu'à chaque lundi, j'en ai une. Je m'arrange peut-être pour en avoir un peu d'avance si j'ai un problème qui me retarde mon deadline, mais je veux pas en manquer une. J'ai trop suivi des webcomics dans ma vie qui, à un moment donné, ça ralentissait. Puis, oh, cette semaine, on n'en fait pas. Puis, ça finit par mourir. Puis, où l'auditoire s'en va, je veux pas ça. Mais un par semaine, c'est quand même très bon. Oui, ouais, je voudrais en faire 2 éventuellement, là, mais il faut que je travaille plus vite. Mais là, je disais, ça va être maintenant. J'en ai une autre. Moi aussi, je vais en avoir. Moi, je veux la question de la fin. Allez-y. OK, c'est bon. En fait, Frivolesque, est-ce que c'est. Dans, là, tu m'as parlé que tu avais d'autres projets, mais à court terme, c'est vraiment que ça que tu veux faire en webcomic? Pour l'instant, c'est juste ça. OK. Ouais. Puis c'est. En affaire à la fois. Là. Parce que dans les autres trucs que tu as en tête, là, ça tient-tu juste du. En fait, de ce genre, dans ce style-là précisément, où t'as vraiment, t'as d'autres choses en tête qui pourraient venir, dans d'autres styles. Non, en fait, je suis assez versatile. Là. On parle d'un petit style manga animé, mais moi, je suis un fan de BD de toutes les sortes. Je suis un grand fan d'exemple de BD américaine, style indépendant. Je lis Hellboy, je suis un fan de Mac Mignola. Et j'ai une histoire un peu dans ce style-là que j'aimerais faire un jour un peu plus dark, paranormal, avec un style un peu plus sérieux. Là. J'ai commencé à faire des petits croquis quand j'ai le temps. Autant au niveau du scénario que ouais, au niveau c'est du ça, dessin. C'est vraiment complètement différent. Okay. Je veux essayer un peu de tout. Là. Excellent. Et moi, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient avec M. Étienne. Et la vraie question de la fin là, pour M. Castellan. C'est-tu vrai que les ours, c'est des mauvais perdants aux échecs? Tellement. J'en ai déjà connu un, puis j'ai... oui, non, c'est pas... un vrai ours, je parle pas d'une autre sorte d'ours. Là. Tu ferais-tu référence à un strip par hasard? Oui. Et je tiendrais à dire que justement, tantôt on parlait de petit strip one shot populaire. Celui que tu parles avec l'ours, c'est probablement celui qui est le plus facile à montrer. Les gens la voient, il rit, il n'y a pas de texte, c'est parfait. Ça m'apprend plus comme ça. Ouais, ben, en fait, allez voir ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé, celle-là, moi aussi. C'est le cas de le dire, c'est un table flip version ours. Oui, c'est le fun flip de table, moi j'aime ça. Allez voir ça, mesdames et messieurs, on vous rappelle frivolesque.com ou rendez-vous immédiatement sur la page de Puissance Maximale. On y a mis en fait le lien pour vous rendre sur le site, en fait sur la page Facebook d'Étienne et aussi sur le site Internet du webcomic. Merci beaucoup, Étienne. Et on te garde pour la deuxième heure parce qu'on va parler rapidement de PAX East au retour de la pause musicale. Merci beaucoup. Et voilà, voilà. On va y aller pour la pause doublée musicale. Doublée, je suis tellement pas prêt pour ça, moi. Ben, le temps que je présente les chansons, tu vas être correct. Puis là, tu vois, on est en train de gagner du temps présentement, Andrew. Donc, la pause musicale doublée, ça va être Luigi's Ballet de Starbomb. On vous en a déjà fait jouer à l'émission. Et après ça, un classique, parce que là, on a appris qu'il allait venir au Festival d'été de Québec, le groupe Cypress Hill et Rock Superstar. Ça aussi, c'est dans le vieux stock. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Princess Peach, won't you listen to my speech? I don't have any stars of invincibility, you're the brightest star in the sky tonight for me. I know Luigi. What up, bitch? I got a what up, bitch? What's the type of question block? It's my dick. It's a me, a Mario. I'm more Italian than pastrami. I'll take you by the peaches and give you the hot salami. I save you from dragons and evil blues that are spooky. Must I be a raccoon to get inside your tanuki? I will melt you like Yoshi and show you things you've never seen. My mushrooms now mega, if you know what I mean. So suck it! Mario, let's do this shit at night. Girl, you ruin it by getting stuff about your dick until you go away. Princess, it means so much for me to hear you say that. The only thing I've ever wanted to tell you is that, goddammit, I'm here to pleasure that ass. I'd like to go first, princess, but I always come last. And you say we'll get together, but I'm jacking off alone. Koopa Troopa skeletons are the only dry bone. I am tired of your run around in such a fucking hassle. I go through shit and then you're in another fucking castle. You gotta think about it. Well, I don't believe the hype. You'll have a lot of time to think when you are smoking on my war pipe. OMG, I can't decide on which of you take me on a mustache ride that'll redefine my life. I'm ready to give love a shot. It's not about how many coins you got. I just know I like new love. Yo, let's check out my yacht. Let me take you on a magic car ride. I'll bust all your balloons when I smack your backside. Have some fun, I'll bring my friends along. I'll pick that Donkey Kong ride in his Donkey Kong. Come on, Peach, it's time to make your choice. I'm the only plumber that can make your boobies rejoice. Scream, lanky ass brother, ain't got shit on me. It's time to live out a story of the princess and the pea. This. So, who's it gonna be, princess? I choose Toad. Toad? Well, his whole body's shaped like a dick. Oh, yeah. Okay, yeah, definitely. So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up with the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about blowing up the rock crowds, make money, chill with the honeys, sign autographs, and whatever the people want from me. It was funny how impossible dreams manifest in the games that be coming with it. Nevertheless, you got the goal from the gusto, but you don't know about the blood, sweat, and tears, and losing some of your peers, and losing some of yourself through the years past gone by. Hopefully it don't manifest, but the wrong guy, egomaniac in the brainiac, don't know how to act. Beat 48 tracks, studio gangsta max, sign the deal, thinks he's gonna make a meal, but never will, till he crosses over steel, filling your head with fantasies. Come with me, show the sacrifice it takes to make the cheese. You wanna be a rock superstar in the biz, it takes you from people who don't know what it is. Stop the shit, was all fun and games, but the price of fame is high. And some can't pay the way, feel trapped in what you rapping about. Tell me what happened when you lost clout. The route you took started collapsing. No fans, no fame, no respect, no change, no women, and everybody on your shoulder. They wanna be a rock superstar and live large. Your big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Got enough over your shoulder constantly to be a rock superstar and live large. Your big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. People see rock star, you know what I'm saying? But you still trying to get out more like everybody else, you know? it's a fun job, but it's still a job. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some, you know, series. You ever have big dreams? I'm making big cream. Big shot, heavy hitter on the main. You wanna look trendy in the Bentley? Be a snob and never act friendly. You wanna have big fame? Let me explain what happens to these stars in their big brains. First, they get played like all damn day. Long as you sell, everything will be okay. Then you get dissed by the media and fans. Things never stay the same way they began. I heard that some never get fooled to the fullest. That's why fools end up dining on a bullet. Think everything's fine in the big time. See me in my legs with the chrome ring shine. So you wanna go far and live large. It ain't all that goes with being a rock star. So you wanna be a rock superstar and live large. A big house and five cars to break charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rock superstar. And live large, a big house and five cars to break charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. My old son don't know me. I'm chilling in the hotel room lonely, but I thank God I'm with my homies. But sometimes I wish I was back home, but only no radio or videos. Gonna show me no love, the phony. Gotta hit the road solely, so the record gets pushed by Sony. I'm in the middle like Moni, and the press say that my own people disown me. And the best way back is to keep your head straight, never inflate the cranium. You're too worried about them honeys at the palladium who just wanna cling on, swing on, and so on. Go on, fall off, the hoes roll on to the next rock superstar with no shame. Give them a year and they'll be right out the game, the same as the last one who came before him. Gained fame, started getting ignored. I warned him, assured him, this ain't easy. Take it from Reezy Sleazy. People wanna be so cheesy, the people. Assassin. So you wanna be a rock superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rock superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly. En direct de Gatineau, ici Ramis. Pour Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Cypress Hill et son Rock Superstar et Luigi's Ballad de Starbomb. Et on est de retour avec Étienne. Alors, on vient d'entendre en indicatif là, M. Thierry Bourdon qui nous a parlé avec la voix de Ramis d'Albator. T'es-tu content? Ah oui, je suis content. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. C'est incroyable. Ouais. Ah, ça, j'étais bien content de l'avoir rencontré, M. Bourdon. C'est, au dernier, j'ai animé. Et là, l'année prochaine, je vais rencontrer Pen of Chaos du Nalban, de Nalbuck, tout plein. J'ai hâte. Johnny Lang. Yes, monsieur. Ouais. Johnny Lang va être là. J'ai hâte d'être là. Et là, on va parler d'un autre événement, en fait, avec Étienne. Le PAX East qui s'est tenu la semaine passée. Écoute, t'as l'air de t'être fait du fun pas mal là-bas, mon cher Étienne. Je fais toujours du fun quand je vais au PAX East. Les poches en dessous des yeux. Non, ça, c'est permanent. OK, c'est permanent. OK, t'es comme les informaticiens, dans le fond. Je suis un informaticien. Ah, ben, welcome to the club! Ouais, ouais, ouais. T'es fin, toi, t'insultes nos invités. Tu vois, c'est pour ça que c'est moi qui est animateur. Je ne l'ai pas insulté. Il a dit un fait, là. Non, c'est ça. Hey, c'est à gauche, je suis informaticien, là. Si tu trouves que c'est un insulte, c'est à gauche, je m'insulte moi-même au passage. Tu y feras un brofist tantôt. Explosive brofist of death. Et voilà. Ça va prendre des explosions, évidemment. Ça va prendre des explosions, bien évidemment. Et là, parlons de PAX East. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, Étienne, en tant que festivalier? Qu'est-ce qui t'a accroché pendant ta fin de semaine? T'as fait ces trois jours. C'est trois jours. Ouais. Ouais. On est arrivé de bonne heure, fait qu'on a vu les trois jours au complet. Oh, il y avait tellement d'affaires à voir, honnêtement. Je sais pas par où commencer. Hein. Moi, je vais surtout là pour le côté, l'événement comme tel. Là, je vais pas faire la file pendant des heures à des faire kiosques, des tests. Il y en a qui font ça, tant mieux pour eux autres. Moi, j'ai pas rien que ça à faire. Oui. Mais j'étais surtout traîné dans les boots des jeux, dans les cabines. On appelle ça des kiosques, des jeux indie. Ah, c'est puis, moi, j'aime ça. Je suis un fan de rétro. Je suis allé voir plein de monde. D'ailleurs, il y a plein de petits studios de Québec qui sont là. Chains Awesome Game était là. J'y connais pas. C'est qui ça? C'est eux autres qui ont fait Knight Squad, okay. Qui a été montré dans... attends un peu, je vais sortir le nom du magazine, là, je l'ai vu passer sur Facebook. Ça va long. Il y avait la gang de Nine Dots. Oui, il y avait Nine Dots, j'allais les voir, avec leur God Factory qui est toujours aussi impressionnant. Oh yes. Il y avait Tribute de Montréal, que j'aime beaucoup ce qu'ils font, puis Games by Mo, qui ont un petit jeu qui s'appelle Anne, que je trouve particulièrement fantastique. Quel genre de jeu? C'est un platformer un petit peu rétro, style Metroid, avec un petit robot. Là. Ok. C'était écœurant. Moi, j'ai hâte que ça sorte. Tribute? Ouais, non, ça c'est Games by Mo. Non, je l'ai. Okay. Nike Squad a été nominé Most Promising Indie Game of PAX East selon PC Mag. Ah ouais, oh. Je ne l'ai pas vu. Nice, on est content pour ça, nos amis. C'est ça, PAX, c'est trop d'affaires, t'as pas le temps de rien voir. Ben, regarde, je vais même partager leur statut sur la page de Puissance Maximale. Excellent. Parce que je suis quelqu'un de sympathique. Excellent. Sinon, c'était beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de board games, beaucoup de tout. C'est comme un assaut constant sur tous les sens, aller à PAX East. C'est ça, parce que tu sais, nous autres, comme à NLHCon, à Janime, il y a beaucoup de stocks, mais c'est quand même des conventions relax. Là, on ne court pas partout. À part qu'on est invité puis qu'on est média, là, mais je veux dire qu'on est festivalier, ça va bien, là, on s'ennuie pas, mais on n'est pas tout le temps à la course non plus, mais dans des trucs comme PAX East, c'est une autre game, là. C'est juste, il y a du stock partout. Tu peux pas te tanner. Tu veux tout le temps voir comme quatre affaires en même temps. Tu regardes l'horaire, tu dis bon, ça. Puis quand t'es avec du monde en plus, faut que tu te tannes. Ou bien, chacun voit ses propres affaires. Mais en général, on essaie de suivre, moi, pour mes amis. Tu sais, c'est fun d'être là en gang puis de triper en chum, là. Fait que. Non, c'est difficile. C'est non, le système. Je suis plus jeune, là. Je regarde les kids courir là-bas, puis j'étais impressionné, moi. On en revient après trois jours, on les sent. On les sent quelques jours après nos journées là-bas sur le plancher. Ben, même nous autres en médias, dans les conventions, des fois, on se rend compte qu'on est plus jeunes. Non, ben ça, moi, à Janime, je vais tout le temps faire une sieste le samedi après-midi parce que je suis trop fatigué. Mais c'est quelque chose. C'est beaucoup de choses. C'est comme des grosses compagnies qui vont donner des prix qui se peuvent pas à tout le monde qui vont aller voir leurs affaires. Tantôt, je parlais de Gearbox font Borderlands, qui ont donné... le jeu, le prochain Borderlands de Prequel Sequel, gratuit à tous ceux qui étaient là à leur conférence. T'as tout le temps, Riot qui font League of Legends, qui font un concours de cosplay. Fait que tous les cosplayers que tu vois à PAX, je te dirais la moitié, c'est des filles qui se déguisent des filles et des gars qui se déguisent en costume de League of Legends. C'est hallucinant comment il y en a. Ah, mais c'est un gros phénomène, là. Le phénomène est hallucinant. En fait, si vous êtes gamer un peu, les jeux, les MOBA, Online Battle Arena, c'est des jeux de ce style-là. Oui. C'est comme rendu tellement ça que le monde joue, là. Le plancher de PAX East, j'avais l'impression que la moitié, c'était des compagnies qui essayaient de faire leur propre MOBA. T'avais soit. Même Blizzard, c'est Blizzard faisait Heroes of the Storm, t'avais. DC qui faisait l'affaire avec la Justice League, évidemment, t'avais le League of Legends, puis l'autre. Voyons, le premier, Dota, qui était aussi là. Tout le monde triple là-dessus. C'est fou. C'est pas mon style de jeu, fait que j'étais un petit peu perdu. Je me réfugie dans les indies dans ce temps-là, puis je vais jouer à Shovel Knight, des affaires comme ça. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est comme les MMO. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment embarqué à fond dans ce phénomène-là. C'est moins gros aujourd'hui. Puis on dirait que les Battle Arena, les MOBA, j'ai pas plus embarqué. J'ai de la misère à comprendre pourquoi. C'est très populaire. Oui, ça c'est indéniable. Ça fait que là, tu me dis qu'il y en avait pas mal là-bas. Étrangement aussi, les consoles avaient pas beaucoup de présence. Les compagnies n'ont pas trop montré leurs affaires. Il n'y avait pas Capcom, il n'y avait pas Nintendo. Il n'y a pas de grosses annonces. Microsoft avait un petit kiosque. On est comme au début d'une nouvelle console. Il n'y a pas tant de jeux encore à montrer. Fait qu'ils sont relax. Ils gardent leurs grosses annonces pour le E3, ouais, j'imagine. Tu dis qu'il n'y a pas tant d'affaires, ça. Non, c'est ça. Il y a pas mal de monde, entre autres, M. Castegan, qui se sont achetés des consoles de nouvelle génération puis qui attendent... Deux. T'en as deux? Ah non, c'est vrai, t'allais voir, mais là, la Wii U, là. Ben oui, mais... Moi, je pense que t'es aussi prêt de faire ton deuil de ça. Ah non, il y a Smash qui s'en vient. Moi, il y a Bayonetta 2 qui s'en vient. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, mais je pense que tu serais pas tout seul à l'avoir acheté. Ah, moi, j'ai tellement trippé sur le premier, hein. Ah, moi aussi, j'ai capoté, puis j'adore le genre de petit remix de Fly Me to the Moon. Ah, c'était absolument génial. Ah, faudrait que je l'écoute, ça. Ah, mais c'est pas du Frank Sinatra, je t'avertis. Non, mais ça m'intéresse pareil, là. Mais moi, je la trouve excellente. On pourrait peut-être la trouver pour la passer à l'émission. Ouais, pas dur à trouver. Bon, on se trouvera ça pour une autre édition de Puissance Maximale. Ouais, tout à fait. Et on a chez Wolf où ça a passé. Ouais, la semaine prochaine. Écoute, c'est quoi ton coup de cœur de ta fin de semaine à PAX East? Qu'est-ce que t'as préféré? Parce que tu me dis que t'as pas fait des heures et des heures de ligne d'attente là, pour. Mais qu'est-ce que t'as préféré de ta fin de semaine? Mon Dieu, c'est dur à répondre. Ah, c'est une bonne question. La fin de semaine, je dirais, au complet. Sinon, comme je te dis, la visite dans les kiosques indie, c'est toujours ça que j'aime. Le petit jeu Shovel Knight, là, que je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est vraiment un genre de Mega Man avec un petit chevalier avec une pelle. C'est hallucinant. Quoi? On dit, non, mais c'était quand même. Le chevalier avec une pelle, je veux ça c'est maintenant. Le chevalier avec une pelle, mais c'est vraiment fait comme un jeu. On dirait un jeu de Nintendo vers la fin de la console, là, genre Mega Man. Ça y est, je vois Mike en train de un look Mega Man 5, Mega Man 6 avec un petit peu de DuckTales, là. C'est écœurant, c'est tellement comme un. Je sais pas, c'est mon coup de cœur personnellement dans les indies. Hein. Puis sinon, mais il y avait beaucoup de board games cette année aussi. Je sais que vous autres, puissance maximale, vous êtes assez jeux de plateau. Entre autres. Fait que une très grosse présence pour les jeux ben, tant mieux. À PAX. Ben, tant mieux. Oh, ben moi, je suis de plus en plus les nouveautés qui sortent au niveau du board game parce que autant on a de la belle créativité dans le jeu vidéo, surtout au niveau des studios indépendants, là, ben on a de plus en plus de belles choses qui sortent au niveau du board game, des nouveautés, vraiment des choses inédites. Là, ben, moi, j'aime aussi ça, dans le jeu de plateau, on a de plus en plus de compagnies indépendantes qui font des aussi, jeux de plateau. Oui, oui. C'est une grosse mode, c'est la folie furieuse. Moi, j'étais vraiment pas du tout un fan de jeux de plateau avant, puis dans ma tête, c'était Monopoly. Là. Ben, c'est puis, ça, avant, depuis c'est... PAX, j'ai découvert ça les dernières années, on va voir ce qu'il y a. Il y a tout le temps un gros engouement. Puis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde joue à cette affaire-là? T'as-tu joué à Zombicide? J'ai jamais essayé. Joue à Zombicide. C'est un ordre, Étienne. OK, ben. je vais le faire, premier. Tu vas en tout cas si c'est moi j'ai ben gros mais ça j'ai juste joué une fois mais ça, et je le regrette c'est un jeu qui est plutôt coop. C'est coop. Je suis pas tant un fan des jeux coop. Non, mais peut-être que c'est le jeu qui va me réconcilier avec c'est, le genre. C'est coop contre le jeu, mais crée-moi que... J'ai déjà vu une game aller, puis d'ailleurs, ceux qui font le jeu, Zombicide, étaient présents à PAX, il y avait un gros kiosque. Bon. Ah, mais c'est eux autres sont très, très, très, très populaires avec ce jeu-là qui est sorti, puis les expansions aussi. Ouais, Guillotine Game. Ouais, c'est ça. Sans farce, c'est vraiment... ils sont malades, ces gars-là. Moi, le jeu, je l'ai adoré, puis en plus, avec les expansions, cher Étienne, il y a une nouvelle expansion où tu joues contre les autres. Okay. C'est que t'aimerais peut-être ça avec l'expansion à ce moment-là. Moi, je suis un gars agressif. Non, tu joues pas contre les autres, finalement. Non. Je pensais qu'on jouait contre les autres, mais non. Finalement, quand tu deviens zombie, quand tu meurs, t'es quand même avec les autres. C'est comme une seconde vie. Parce que avec les expansions, le jeu devient tellement, mais tellement dur. Moi, c'est comme que le jeu, il est pas fin avec toi, là. C'est que t'es content d'avoir tes amis, mais tes amis, pour la game que j'ai joué, ça a beau être coop, là, mais c'est quelque chose. Ça vaut la peine, moi, c'est un gros dur, coup de cœur. C'est dur de pas faire le héroïque, là. T'es par les gars, y a pas de trouble, je m'occupe de tout! Puis on se fait swarmer. Puis là, en général, ces jeux-là, tu peux pas tout faire. C'est ça la base même. Ben, c'est sûr que tu peux pas partir comme, disons, un certain Michael Michaud, un certain soir, qui pogne l'arme la plus forte du jeu à son deuxième tour, puis qui décide qu'il va faire la passe à tous les zombies, ce qui fait que le level de difficulté monte en même temps que je monte de level, puis que là, on se fait wiper en deux tours. Ça n'a pas fonctionné, là? Non, ça fonctionne pas, cette tactique-là, malheureusement. Mais c'est pour ça que j'aime le jeu, en fait. Là, il faut avoir une réflexion tactique assez intense. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Donc, je te le recommande, Étienne, si tu as la chance. Justement, si tu passes au pub La Revanche, on va en parler dans quelques minutes, là, tu pourras peut-être l'essayer là-bas. C'est cool. En fait, j'ai une dernière affaire pour répondre encore une fois à la question de mon coup de cœur. Ben oui, vas-y. Tantôt, je parlais dans mon affaire de webcomic que j'avais écouté l'émission Strip Search de Penny Arcade. Oui. Tous les gens, les artistes étaient tous à PAX. Je les ai rencontrés un peu. J'ai jasé avec eux autres. C'était un très beau moment pour mon côté dessinateur. J'imagine bien. Je leur ai dit qu'ils m'avaient inspiré et ils étaient contents. Je faisais un petit peu mon têteux. Là. Ah, je suis content de vous rencontrer. Ah, mais c'est correct. On a tous nos côtés groupies. Tu sais, moi, à chaque fois que je vois Janimé, j'ai parlé avec Jackie Berger qui a fait la voix entre autres d'Esteban et Stédor. Thierry Bourdon, il avait la voix de D'Artagnan dans le sous-signe des Mousquetaires, de Ramis. Moi, j'étais un petit garçon en avant d'eux autres. Là. Puis, je suis pas un gars qui est très groupie à la base. Puis... Non, ben, t'sais, moi, j'ai gardé mon professionnalisme et j'ai fait aucunement mon groupie devant Brent O'Floss. Non, en tout cas, moi non plus, pendant les entrevues, je fais pas le groupie, c'est après. Et Pat Country aussi. Non, c'est ça. Non, hein? non, j'ai surtout pas fait de. S'il vous plaît, faites-moi un ID pour le... Ou de Game Chaser. Moi, j'étais un gros fan de Game Chaser parce que j'ai découvert un petit côté collectionneur en moi que j'avais à l'époque, mais que je savais pas que c'était ça, puis que je regrette amèrement certains choix de ma vie. Et parler avec ces gars-là qui étaient des jeux de Nintendo, là, ils ont la collection complète. Hein. Super Nintendo, ils ont la collection complète. Puis eux autres, ils se promènent, puis ils font des chasses, puis ils ont tous des trucs, ils connaissent tous les prix des jeux sur le bout de leurs doigts. Tu sais, tu fais comme... Alors, quand t'es collectionneur, t'es dans ce genre. Tu es mon idole. C'est ça. Là, c'est du monde. C'est des professionnels, mais vraiment. Là, c'est vraiment intéressant de parler avec ces gens. Je veux une maison pour avoir un sous-sol comme le tien. Non, c'est clair. Et les autres, ils disent, ouais, mais ça coûte un appartement. Fuck you. J'ai un salon un petit peu comme ça, mais pas de temps. On a tout, hein. Quand on est geek, quand on est un gamer, quand on a tout notre petit coin. Ouais, j'en connais un qui est assez solide son salon aussi. Ouais, on nommera pas notre collaborateur au comic book, Monsieur Julien Materne, qui est assez bien fourni, entre autres, en figurines et autres objets de collection. Non, j'avoue qu'à chaque fois que je rentre chez Julien, je fais, oh, respect. Je suis pas un gros collectionneur de figurines, personnellement, là, mais c'est quand même très impressionnant à voir. Surtout les mechas, là. Non, non, non. Sa collection de Gundam, là, c'est quelque chose. Donc, écoute, on a parlé brièvement de PAX East, mais... On a bifurqué sur d'autres sujets. Non, mais on parle de passion, de toute façon. Là, ça va... Passion du gaming. Ouais. Donc, hey, merci beaucoup, Étienne, d'avoir parlé de PAX East. Merci de m'avoir invité, c'était super la fin. Ben oui, ben là, évidemment, là, si tu veux rester avec nous, le reste de l'émission, nous inviter. D'ailleurs, M. Guy Bergeron a quitté pendant la pause musicale, on tient à le saluer. Merci d'être passé à l'émission, Guy. Et non, c'est ça, nos invités sont toujours les bienvenus tout au long de... S'ils veulent rester jusqu'à la fin de l'émission, ce qu'Étienne s'attend de rester, tu es le bienvenu. Mais merveilleux. Et on va partir en pause musicale, mesdames et messieurs, avec un autre classique, cette fois-ci, du rock québécois. Puis là, en plus, ça tombe bien, c'est de mise, en fait. C'est une chanson qui s'appelle « Boisson d'avril » avec le groupe Groovy Aardvark. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Bon, vous contez une vraie histoire, rapport au grand Mont-Saint-Hilaire. Bon, vous contez une vraie histoire, rapport au grand Mont-Saint-Hilaire. Il cache un lac tellement profond qu'on a même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De l'Écosse au lac Champlain, y a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'avril. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. De la surface au fond des eaux, on y monte de grands bateaux. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que le passage au Loch Ness. Partout dans ce monde Champlain, y'a des images mais on voit rien. Pendant que les crédules font la file, d'autres sirotent leur boisson d'enfile. Hey! Intellectuellement libre. Braddock, Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Pas besoin d'être intelligent pour comprendre ce qui se passe. 96.9. Et là, je suis au pub La Revanche à Québec, boulevard Charest, et je suis avec Michel, un des copropriétaires. Salut Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi, Michel? Numéro 1, on s'était parlé à la, je me rappelle bien, au marché geek de Québec. On avait parlé de ce qui s'en venait pour le pub. Et là, on est là, site ouvert, le projet est sur pied. Ça va bien présentement? Oui, ça va très bien, particulièrement aujourd'hui, là, avec journée spéciale, mais ça va bien, oui, une belle croissance de clientèle, malgré le peu de publicité qu'on a fait jusqu'en même temps, on est très content. Oui, là, on est le 5 avril, le Tabletop Day, donc la journée du jeu de plateau. Fait que là, effectivement, la place est pleine, là, on est venu faire notre tour, là, un peu décrire le commerce, parce que ça, les gens qui sont pas, qui ont pas eu la chance de venir au pub encore, qu'est-ce qu'on y fait au pub La Revanche? Ben, La Revanche, c'est la place qu'on rêvait de faire depuis longtemps, les trois copropriétaires ensemble, c'est-à-dire un endroit où c'est le jeu de société qui a le premier plan, qui est la vedette. Ici, c'est une ambiance idéale pour jouer, des tables, des chaises, des animateurs sur place. Et le tout accompagné avec service de nourriture, d'alcool, etc. Donc, si je fais un petit résumé de la manière ça fonctionne, c'est que les gens se présentent ici, on leur assigne une table, il y a un animateur qui va les accueillir, qui va leur demander quel genre de jeu ils ont envie de jouer aujourd'hui, selon le nombre de personnes, selon leur expérience de jeu, le temps dont ils disposent, etc. L'animateur part avec ça, il s'en va voir la bibliothèque de plus de 1000 jeux qu'on a ici, fait une sélection de 2, 3, 4 jeux, ramène ça au client, fait un bref résumé de chacun de ces jeux-là, et ensuite le client, si effectivement il y a un de ces jeux-là qui l'intéresse, fait son choix, et l'animateur ensuite explique le jeu et aide les gens à débuter la partie, ils accompagnent, reste disponible pour répondre à leurs questions tout en répondant à d'autres clients, en faisant d'autres conseils, suggestions. Donc, c'est ça le concept à la base de La Revanche. Parce que là, moi, je suis monté au deuxième, parce que c'est sur deux étages, il y a une mezzanine, puis il y a le rez-de-chaussée. Moi, j'ai vu la collection, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites, c'est très impressionnant. Là, évidemment, là, les gens vont se poser la question, mais combien ça coûte venir à La Revanche? Parce que là, effectivement, il y a chocolat chaud, bière, boisson gazeuse et de la nourriture, évidemment, mais il y a un coût rattaché au fait d'utiliser les jeux. Oui, tout à fait. C'est le coup qu'on retrouve un peu partout dans les cafés, pubs qui ont commencé à voir le jour un peu partout au pays. C'est 5$ par personne. Puis ça, c'est pour toute la durée de votre présence ici. Donc, si vous restez 8 heures, c'est 5$. Si vous restez 2 heures, c'est 5$. Puis c'est pas le nombre de jeux non plus. C'est vous pouvez jouer à 12 jeux, un jeu, c'est le même prix. Comme un peu un cover charge, là, on rentre, on donne 5$, mais on n'est pas obligé de jouer, je pense. On peut venir prendre un café tranquille, puis... Oui, tout à fait, c'est ouvert au grand public. De toute façon, sur semaine, on est ouvert à partir de 7h le matin pour justement pouvoir servir la clientèle plus travailleurs qui est dans le coin, dans le quartier. Puis, mais tout en étant disponible pour les joueurs qui veulent se poindre tôt dans la journée. Mais oui, même toute heure de journée de nos ouvertures, on accueille les gens s'ils veulent juste manger, observer, voir un petit peu comment ça se passe ici. Puis ben, c'est sûr que le jour où on aura un line-up de gens qui veulent jouer, ben ce sera les joueurs qui sont favorisés. Mais pour l'instant, on a de la place pour accueillir les gens. Je vais te demander l'horaire. Là, ça se passe comment au pub La Revanche pendant la semaine? Je sais que vous avez des événements spéciaux, des soirées thématiques. Parle-moi de ça. OK. Donc, pendant la semaine, présentement, on a décidé d'être fermé les lundis et mardis soirs. Donc, on est ouvert de jour jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Dans un délai qui devrait être assez court, en tout cas, au plus tard cet automne, on va commencer à ouvrir les lundis et mardis soirs. Donc, pour l'instant, c'est les mercredis, jeudis et vendredis soirs qui sont ouverts sur semaine. De même que le jour, comme j'ai dit, là, tous les matins à 7 heures, c'est ouvert. On a les mercredis soirs Loup-garou, le tiers-lieu, et autres jeux de groupe. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas toujours la quantité de gens suffisante pour commencer aux premières heures à jouer au Loup-garou. Donc, il y a d'autres jeux comme Avalon, Résistance, les Sultans de Karaya, etc., qui peuvent être joués en plus petits groupes, qui sont un peu le même principe. C'est des jeux de personnages cachés, etc. On encourage beaucoup ça, ce soir-là. C'est notre activité spéciale du mercredi. Ensuite, les jeudis, présentement, on met l'accent un petit peu sur les jeux de cartes évolutifs et jeux de genre comme X-Wing aussi, qui n'est pas un jeu de cartes évolutif, mais qui est un jeu évolutif de figurines, miniatures, choses comme ça. Donc, le jeudi soir, on a cette petite spécialité-là, mais toujours en étant ouvert pour le grand public qui veut jouer à n'importe quoi d'autre. Là. Ça reste toujours ouvert sans problème. Le vendredi et le samedi soir, là, c'est des journées où on n'a pas de thématique parce que c'est des journées qui sont, à la base, assez populaires, assez bien remplies. Donc, on veut pas... ça serait difficile là, d'imposer un thème là, à ce moment-là. Là, déjà qu'on a plusieurs personnes qui veulent jouer un peu n'importe quoi. Donc, c'est free-for-all le vendredi et samedi. Je sais pas si tu voulais juste la semaine. Ben non, c'est bon, c'est bon. Question, parce que là, on a fait le tour du propriétaire, moi et Andrew. Tantôt, on est allé voir ça. Puis j'ai vu que tu avais une salle qui est fermée, en fait, une petite salle privée. C'est que là, moi et Andrew, on a eu un flash, là, jeu de rôle. Là, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires attachés à l'utilisation de cette salle-là? Non, c'est une salle qui est disponible tout autant que les autres tables dans le local. C'est une salle qu'on garde un petit peu plus pour les gens qui viennent en plus grand groupe quand il n'y a plus de place sur les autres tables. C'est aussi une salle qui peut avoir tout plein d'utilités. Donc, nous, c'est sûr que on la garde pour plein d'options. Il y a plein de choses. Effectivement, tu mentionnes le jeu de rôle. Ça fait partie des optiques qu'on évalue actuellement. Donc, il n'y a rien d'officiel, rien d'organisé encore concrètement, mais ça fait partie de nos plans d'avoir quelque chose du genre. Disons qu'on a un groupe, là, disons qu'on est des joyeux lurons, là, genre moi, Andrew, puis des amis. Là. On a notre game, puis à soi, ça nous tente d'être ailleurs, ça nous tente de jouer à la revanche. On peut se pointer avec nos trucs, on paye notre 5$, puis nos consommations, puis c'est possible de venir, là, venir jouer ici, finalement. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que dans ce cas-là, c'est peut-être mieux, si vous voulez absolument la salle, d'appeler avant pour la réserver ou pour être sûr qu'elle est disponible, mais oui, c'est tout à fait possible. Excellent. Écoute, Michel, plein de belles possibilités au Pub La Revanche qui s'en viennent et du beau développement parce que c'est de plus en plus populaire. Je parlais aussi avec ton collègue Danny un peu plus tôt aujourd'hui et on est vraiment contents. Puis nous, effectivement, on va y revenir. Puis c'est vrai, j'allais dire, il y a un côté boutique. On peut acheter des jeux sur place. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment La Revanche. On a voulu ça comme une expérience complète. C'est-à-dire autant pouvoir jouer sur place que pouvoir... profiter des connaissances des animateurs sur place pour acheter les jeux. Donc, c'est une spécialisation. C'est vraiment l'endroit, on veut que ce soit l'endroit à Québec où, si vous voulez essayer, avoir des conseils, faire... En tout cas, bref, c'est ici qu'on vous offre tout ça, incluant la boutique, où il y a des jeux en très bonne quantité, de plus en plus. C'est la place qui fait qu'on n'en a pas plus que ça présentement, mais on essaie d'en garder quand même une bonne quantité. On en a 500 à 600 là, différents disponibles présentement. Encore une fois, j'ai vu, je suis témoin, mesdames et messieurs, il y a une très bonne sélection. Donc, Pub La Revanche, ludique, intéressant, on boit, on mange, puis en plus, on peut tester des jeux. En plus, il y a de la bière, là. Andrew me regarde avec sa boréale noire. Bonne sélection d'alcool. Puis en plus, c'est ça, vous pouvez tester les jeux sur place. Là, vous repartez, c'est excellent. Possibilité de l'acheter aussi également sur place. Écoute, Michel, longue vie au Pub La Revanche. On a déjà hâte de revenir et à la prochaine. Ben, merci beaucoup. Puis venez faire votre tour. Je vous dirais que jusqu'à date, les gens qui sont venus l'essayer sont venus avec leurs amis, de leurs amis et leurs amis. Donc, faites vite avant qu'il manque de place. Mais Michel, justement, là, avant de quitter, rappelle-nous l'adresse pour être sûr et certain que les gens ne se trompent pas. C'est au 585 boulevard Charest. C'est en face à peu près du Benjo que pas mal de gens connaissent déjà. Excellent. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir. Sport, musique, politique, talk. 100% Lévis. bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette entrevue qu'on a réalisée avec Michel du pub La Revanche. Et après ça, vous avez entendu l'excellent Marilyn Manson et son Beautiful People. Un autre classique, ça me tentait, hein, je pense. Sorti des boulamites. C'est ça, je pense que c'est un spécial boulamite cette semaine côté musique. Et là, M. Castegan, il est temps de parler de nouvelles ludiques. Ah, j'ai décidé, je prends un congé. C'est bon, ben on vous revoit la semaine prochaine. Hey, j'ai oublié de sortir mon Did You Know Gaming. Ah, ben oui, c'est vrai. Saviez-vous que... Bon, ben, on pourra faire ça peut-être au retour, M. Ouais, Castegan. Ben, je vais juste ouvrir le site, question d'être prêt. Mais bon, tout ça pour dire, savais-tu... mais c'est pas le saviez-vous, là, ça, c'est une nouvelle. C'est une question directement à moi. Oui, oui, oui. Savais-tu que 37% des jeux achetés sur Steam ont jamais été joués? Ouais, j'avais déjà vu passer ce genre de nouvelles-là. T'es en train de me dire que le monde achète tout plein puis joue jamais à leur jeu? Ben, c'est ça. C'est en fait, au niveau de Steam, il y a un genre de système là, de statistiques qui s'appelle... j'avais le nom là, avant de cliquer sur le lien. La méthodologie d'Ars Technica, là, dans le fond, qui est leur façon de calculer. Puis ils ont réussi à checker avec le versus le nombre de licences qui a été vendues. Puis en même temps, vous avez remarqué, quand vous jouez à Steam, il dit vous n'avez jamais joué ou vous avez joué tel nombre d'heures tout le kit. Là. Fait que Steam, c'est quand vous jouez à vos jeux. Et eux, ils ont fait, dans le fond, des calculs. Puis ils ont découvert, dans le fond, que 37% des jeux achetés sur Steam sont jamais lancés. C'est quand même pas mal, 37%. Mais ça, ça découle directement des maudites ventes de Steam, là. Vente d'été, vente du temps des fêtes. Il y a tout une bonne raison pour avoir des jeux. Ah, mais là, Pâques en vient, hein? C'est ça, c'est qu'il va y avoir une vente de Pâques. Ça va... Cachez votre carte de crédit, votre portefeuille. C'est ça, parce que ça va vous coûter cher. Puis vous jouerez même pas. Ben moi, en fait, ce qui me fait faire ça, c'est les Humble Bundle. Ouais. Moi, ça me coûte 15$, mais moins que ça, en fait, 6$. Ça me donne 8 jeux. Je les installe. Puis là-dedans, il y en avait un que tu voulais. Genre. Là, je fais, ah, ouais, mais lui, il paraît qu'il est bon. Puis finalement, je rejoue à Skyrim. C'est ensuite, c'est Skyrim puis Grand Theft Auto Online. Ouais, mais là, tu vas peut-être jouer à Space Engineer prochainement. Ouais, ben là, on va en parler la semaine prochaine à l'émission. Là. Andrew m'a offert une licence de ce jeu. On va en parler la semaine prochaine, mais. C'est le fun d'écraser des vaisseaux dans ce jeu-là. On pourrait essayer ça. Mais donc, ouais, 37%, c'est quand même assez énorme. Donc, tu sais, des fois, on parle de la surconsommation. Là, mais la surconsommation, c'est aussi au niveau numérique, au niveau digital. C'est pas obligé. Pensez à l'environnement. Tu sais, tant qu'à acheter des jeux. Ben, en fait, c'est pour votre portefeuille aussi. Là. Ben oui. Tu sais, ah, j'ai pas d'argent, pourquoi t'acheter ce jeu-là? Tu joues pas. Ouais, mais je l'ai. Ben, c'est ça. Ça sert à rien. Parce que collectionner, je peux comprendre la collection de cartouches de NES, de Super NES, de Genesis et autres, là, je peux comprendre. Le pire, c'est que tu dis ça, mais j'ai un jeu de PlayStation. Ben, malgré toi aussi, j'ai un jeu de PlayStation 3 chez nous que je l'ai acheté vraiment parce que j'ai fait, ah, ça, là, c'est un jeu là, de collection, il a l'air cool, je vais y jouer. Puis je le regarde, puis je suis comme. Ouais. Oh, il est allumé ton micro, Étienne. Regarde, moi aussi, je fais ça. C'est, je pense qu'on fait tout un petit peu ça quelque part. Là. Ouais. Mais c'est niaiseux. Mais tu sais, moi, j'étais, c'est comme toi, Star Ocean. Ouais, Star Ocean, sur mon PS3, je l'avais acheté, je fais, oh yeah, ça va y aller. J'ai joué une heure le tutoriel, je l'ai rangé, puis je suis jamais revenu. Puis c'est même pas une question de, arc, ça a balayé la poche, ou c'est juste qu'il y a d'autres jeux qui sont arrivés, puis c'est ça, là. À l'époque, j'avais une copine, puis il y avait des choses à faire à ce niveau-là aussi. Donc voilà, mais on a toutes des bonnes raisons. Il y avait d'autres types de jeux, genre. Mais c'est quand même juste un jeu, tu sais. C'est pas 37% de ma bibliothèque ou... Non, c'est sûr. Voilà. Par exemple, dans Steam, moi, je suis pas dans la statistique. Moi, tous mes jeux dans Steam ont été roulés au moins une fois. Fait que t'es... Au moins une fois. Non, ben en fait, c'est comme toi, tu disais, des Humble Bundle. Ouais, des fois, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'ils font Bundle de jeux indie, tu sais, les indie bundle, que là, tu fais, ah, cool, hey, t'as à peu près genre une dizaine de jeux, puis ça te coûte genre 10$. Non, donc, tu fais cool. Puis là, finalement, tu commences, tu fais, ah, lui, ça, c'est cool. Puis là, tu t'embarques, tu joues. Puis là, t'en pognes un autre, que tu fais, ouais, c'est pas tant mon genre, finalement. C'est que des fois, t'as moins envie d'explorer les autres. Mais en même temps, c'est vu que le Humble Bundle, souvent, passe par Steam, ça rentre dans les stats aussi. Ben oui. Fait que voilà, c'est ça joue. Mais bref, mesdames et messieurs, on dit toujours, hein, consommer de façon intelligente, ben, c'en est un autre exemple. Fait que, dans le fond, acheter plus d'Humble Bundle et moins de Call of Duty. Je pense que les vrais bons gamers seront tous d'accord avec toi, Andrew. Autre nouvelle, Monsieur Castegan? Sony revend ses bars. C'est des, les bars énergétiques maintenant. Ah, en fait, ça. Sony revend ses parts. Voilà. Dans Square Enix. Ah ouais? Oui, ici, en fait, Sony viendrait de se débarrasser de l'ensemble de ses actions. Square Enix en les vendant à SMBC Nikko Securities, une opération qui rapporte 4,8 milliards de yens au constructeur. Penses-tu que ça pourrait jouer sur une sur les exclusivités de certains titres? Ben, ça se pourrait. Parce que ça dépend, je sais pas combien de parts ils avaient dans Square Enix, là, mais tu sais, des jeux comme Final Fantasy, des affaires de même. Puis aussi, en même temps, ben, ils disent au niveau là, de l'action, c'est pas parce que Sony ne fait plus confiance au studio Square Enix, c'est juste parce qu'ils sont en processus de équilibre budgétaire. Ah, voilà. Donc, ils essayent de réduire leurs dépenses et d'équilibrer les comptes qui sont en chute. Bon, remarque, c'est lui qui fait ça, qui sac du monde dehors. Effectivement, mais je voulais dire, ça fait partie des nombreux réajustements dans leurs activités qui comportent du licenciement, ouais, des fermetures de boutiques. Et voilà. Je vais parler trop vite. Fait que c'est ça. Donc, puis d'ailleurs, fait à savoir, Sony Computer Entertainment était le troisième actionnaire majoritaire de Square Enix, qui avait, dans le fond, 8,25% des parts de l'entreprise. Quand même. J'ai ma réponse, bref, à toutes mes questions, grâce à cette nouvelle. Mais donc, d'ailleurs, grosse nouvelle. Oui, effectivement. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? On va parler de Square Enix. Ben allons-y, allons-y. Square Enix ferme son studio indien. Ça va bien. Enfin, il y avait un studio en Inde, tu le savais-tu? Non. Moi non plus. Ben, remarque que les studios, hein, ça, les studios de jeux vidéo ont des studios un peu partout, justement. Là. Ben, dans le fond, voilà, aller avec le courant de la nouvelle, il dit, vous ne le saviez peut-être pas, mais, voilà. Mais l'année dernière, Square Enix a ouvert un studio à Mumbai, qui était un studio de développement dans l'espoir de repérer des talents locaux. Donc, c'était une structure qui était composée de 6 personnes. Puis finalement... 6 personnes? Ouais, finalement, ben là, ça n'a pas rapporté. Ben et Square Enix India a donc fermé ses portes sans avoir produit un seul jeu. 6 grosses personnes pour développer un jeu? Non, mais c'était pour localiser des gens locaux. Ah, okay. T'es des développeurs indépendants qui n'auraient pas la... Parce que l'Inde, est-ce que vous connaissez des jeux indépendants venant de l'Inde? On pourrait en trouver, je suis sûr. C'est un peu comme la Taïwan là, avec Flappy Bird. Là, t'es. C'est pas le Vietnam? Oui, c'était Vietnam, ouais. C'est vrai. Sûrement que là-bas, ils ont leur petit marché et ils connaissent leurs affaires. Là. Non, ben, c'est ça, mais t'es, c'est qu'ils n'ont pas réussi à recruter et finalement, ben, Square Enix, en fait, ben, pourquoi qu'on paye ça déjà? J'avoue que, ouais. Voilà, autre nouvelle sur Square Enix. Est-ce que tu en aurais une nouvelle pour nous? Une autre nouvelle, M. Gaston? Ben, on va parler de Duke Nukem. Oh! Est-ce qu'on va parler de cette poursuite? Ben oui, puis non. On n'a pas eu de nouvelles par non, rapport à ça. Non, c'est loin d'être réglé, d'après la nouvelle d'ailleurs. C'est, en fait, juste pour vous donner une idée, le projet de Duke Nukem qu'on avait parlé, qui était sur le site All Out of Gum, qui a jamais abouti finalement à cause de litige juridique entre Gearbox et 3D Realms Interceptor. Mais le projet finalement portait le nom de Duke Nukem Mass Destruction. OK. Ils sont toujours en cours pour régler ça, sauf que là, 3D Realms et Interceptor ont décidé d'ouvrir un nouveau site et repartir un nouveau décompte de 30 jours. Oh! Et le site s'appelle nogumneeded.com. D'accord. Est-ce que c'est un petite bravade envers les gens de Gearbox ou vraiment peut-être que c'est réglé puis ils vont l'annoncer ou... Penserais pas. Moi, je pense que c'est une petite façon de faire un doigt d'honneur. Là, si on se fie au président de 3D Realms, c'est pas sa première fois que même s'il est en gros litige sans juridique, il fait « Moi, je m'en fous! » Donc No gum needed? Oui. Ah, c'est bon, ça. Et dans le fond, le site, ben c'est comme une genre de bombe avec une tête de mort dessus. Ah, ben tu pourrais peut-être shooter ça sur la page de Puissance Maximale, Monsieur Castegan. Ben, pendant la pause. Excellent. On va faire ça pendant la pause musicale. Mais en parlant de pause musicale, peut-être une dernière nouvelle avant d'y aller? Une dernière nouvelle. Ben, en fait, le compositeur de Halo a été licencié. Ah ouais? Oui, en fait, Monsieur Marty O'Donnell, une personne clé, dans le fond, chez Bungie, aurait été licencié sans aucune raison, paraîtrait. Du moins, c'est qu'est-ce qu'il annonce au niveau là, de son fil Twitter. Et dans le fond, comme je disais, M. O'Donnell, c'est un vétéran là, des studios de Bungie. Puis M. Bungie, il faut savoir aussi là, qu'ils sont plus sous contrat avec Microsoft là, mm-hmm. depuis, oui, tout à fait. Depuis un certain moment. Et c'est ça. Il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, les gens qui appréciaient la musique de ce monsieur vont peut-être être déçus. on va peut-être avoir des développements menés par rapport à, parce que, tu sais, licencié sans raison donnée, peut-être que ce monsieur-là va ressortir dans les médias prochainement pour expliquer ce qui se passe chez Bungie, mais bon, on verra bien. Et il est temps de passer à une autre pause musicale, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on va aller vers The Offspring, encore un classique dans les bonnes années, selon moi, de The Offspring. Si vous allez, on va aller écouter Kids Aren't All Right dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. J'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Oui, de retour à puissance maximale après The Offspring et on va revenir en nouvelle ludique avec M. Castegan. Et là, cette fois-ci, saviez-vous que le jeu Infamous, tu sais de quoi que je parle. Tout à fait. Le jeu où vous jouez un bonhomme qui tire d'électricité, un peu open world, exclusivité sur les consoles PlayStation. Pour vous situer. D'ailleurs, Second Son est sorti sur PS4. Ouais, beaucoup trop court, paraîtrait, mais je ne l'ai pas essayé. Fait que, Infamous, saviez-vous qu'à l'origine, quand que le concept de ce jeu-là a été développé, c'était supposé être un jeu un peu à la Animal Crossing, où vous étiez dans un open world, où vous pouviez ramasser des choses, développer une ville et tout ça, où le personnage principal se battait contre des gorilles mauves qui essayaient de voler des ballons. Quoi? Tu me niaises? Non, et ça a été dévoilé par M. Chris Zimmerman lors d'une entrevue au site GameSpot qui décrivait justement de où est-ce que le concept de Infamous venait. Et j'ai vérifié la date, mesdames et messieurs, ce n'est pas le poisson d'avril. Ah non, mais on s'entend que c'est assez loin du concept final? Ça a fait du chemin, mettons. Calvaus. OK, Animal Crossing et Gorilla Move. Qui essaie de voler des ballons. Jusqu'à ce qu'on connaît maintenant. Ouais. J'aime bien ces petites capsules-là, Andrew. C'est le fun que tu nous as amené ça à l'émission. Je vais me coucher moins niaiseux. Mais je vais quand même me demander qu'est-ce que les jeunes de l'industrie du jeu consomment pendant leur séance de travail. Là. Sinon, veux-tu une petite nouvelle, une autre petite fac rapide? Ben, vas-y donc, tant qu'à ça. Savais-tu que dans Skyrim... Oh, on va parler de Skyrim, je vais aimer ça. Quand tu tues un dragon... Ouais. Puis qu'il fait son... Puis il tape sur son soul, OK? Ouais. Son esprit. Si tu vas sur la map... Tu peux voir la lumière du dragon. Pour vrai? Ouais. Mais j'ai une image, ça. Ah, je vais aller... Là, ça veut dire qu'en arrivant chez nous, tantôt, je vais allumer Skyrim. Je vais essayer de trouver un dragon. Je vais péter à gueule, puis je vais essayer de voir ça. Mais bon, on s'entend que c'est pas un fact des plus intéressants, là, dans non, le non, sens Non, où... c'est juste il était juste en dessous de celui-là que je viens de te donner. Puis plus que tu parlais de Skyrim tantôt, ben... Pourquoi pas? Ah, bon, écoute... Je trouvais que c'était approprié. Ça fait un petit beacon de lumière, là, et pas bacon. Bacon. Là, il y a Étienne qui fait... Ah, les gars, pourquoi vous parlez de bacon? Ben, Étienne, est-ce qu'on t'avait déjà dit qu'un jour, ces puissances maximales devenaient... Un parti politique. Un parti politique. On fait un référendum sur la gratuité du bacon. Ah, s'il faudrait, je voterais oui. J'ai pas soupé, vous me donnez faim. Là. Ah, c'est vrai, t'as pas mangé, toi. bacon. Et voilà, le mot magique est lancé. Autre nouvelle, Monsieur Castigan. Oui, si vous êtes un fan du jeu Crysis, prenez note qu'à partir du 31 mai, il ne sera plus possible de jouer en multijoueur à Crysis 1 et 2. C'est fini, les serveurs ne seront plus supportés. Exactement, Crytek a décidé de tirer la plug sur les serveurs et de passer à autre chose. Tu vois, moi, c'est ce que je trouve plate. C'est de la tangente. On en parle souvent à l'émission et là, je vais y revenir pour la, je pense, la 200 millième fois depuis que j'anime cette émission-là. Le tournant multiplayer que beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchises AAA prennent. Je trouve ça plate, entre autres à cause de ça. Parce que, tu sais, le moindrement que tu as des jeux qui finissent par perdre de la popularité, on vient plus supporter. Puis il y a bien des compagnies qui vont asseoir la notoriété d'un jeu ou l'intérêt que les joueurs peuvent avoir sur une franchise, sur leur côté multiplayer. Puis après ça, tu fais « Ah non, finalement, vous pourrez plus jouer ». Puis quand ça fait déjà trois fois que tu joues à ta version single player, tu fais ouais, ben la valeur de rejouabilité. Bon, tu vas me dire c'est un first person shooter. Déjà à la base, ça s'use rapidement, là, mais bon. Ouais, mais les joueurs passent à autre chose, puis ceux qui restent, c'est des tripeux qui sont pas trop payants pour la compagnie. C'est plate, là, mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est du moment présent, là. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça doit être mon côté nostalgique que je trouve qui fait que je trouve ça plate un peu. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout le fait aussi que. Malheureusement, on paye. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit que on paye trop cher souvent pour des jeux qui sortent puis qui se reposent sur rien. Des jeux qui ont justement le progrès, dont la colonne vertébrale d'un jeu, vraiment le centre du jeu qui devrait être son story mode ou ben finalement il y a pas grand chose. Tu dis ah mais inquiétez-vous pas, on vous a fait un multiplayer à côté de ça. Vous allez avoir des heures et des heures supplémentaires à votre jeu. Tu sais, t'achètes un jeu, tu fais ton single player en 10 heures, ça doit coûter 60$, puis tu fais, ah, ben, on the side, je peux jouer multiplayer pour profiter plus longtemps du jeu, puis finalement, ça arrive à ça. Je trouve ça plate. Je trouve ça décevant, et de cette tangente. En même temps, c'est une des raisons aussi pourquoi j'invite toujours les gens à... Puis on en parlait tantôt, Étienne, là, de se virer vers le indie, vers l'indépendant. Tu as des jeux beaucoup moins chers, des fois, puis souvent, en fait, innovateurs, intéressants, qui tombent pas dans les recettes faciles qu'on connaît déjà. C'est sûr que c'est toujours le fun. Il y a toujours des bonnes franchises AAA. On va retrouver des jeux qui vont nous parler. Tu sais, je veux dire, Skyrim, ça reste Skyrim. Il y a tout le temps des bons titres qui sortent à chaque année. Mais on a des belles découvertes qu'on peut faire au niveau de l'indépendant. Puis c'est pour ça que... J'aime bien ça, inviter les gens à se promener vers ce petit côté-là. Puis on en fait souvent. Andrew en parle souvent des jeux indépendants, l'émission. Ah, je suis un gros fan de jeux indépendants. C'est pour ça que j'aime... Parce qu'ils sont pas chers, puis tu peux en acheter plus. Ben, c'est ça. Puis souvent... Pour le fun. Puis tu sais, tu payes... En tout cas, j'ai l'impression que pour les jeux indépendants, tu payes pour le fun que t'as. Ouais. C'est l'indépendant aussi un problème, c'est qu'il y en a tellement, tout le monde peut en faire, que les bons jeux se perdent dans aussi, une mer de aussi. Choses médiocres, puis les gens jouent pas à cause de ça. Tu peux pas nécessairement te fier non plus à tout ce qui se fait comme critique. Sur Internet, tu sais, les métacritiques de ce monde, ces trucs-là, là, on sait comment la presse, tu sais, nous autres, on a la chance d'être encore indépendants à puissance maximale. Tout le monde le sait, on se fait harceler à tous les jours. À tous les jours pour recevoir tout plein de choses, des grosses compagnies. Il y a juste Microsoft, là, qui le fait pas, là. Non, on attend toujours. Mais c'est ça qui est le fun, en fait, d'avoir une émission comme puissance maximale, c'est first, on a le temps. de faire des vraies bonnes critiques. Puis là, on est indépendant parce que la presse, puis Usul, entre autres, à l'époque, quand il était sur le 36-15, en avait parlé, entre autres, de la presse, puis il en parle encore, puis dans d'autres capsules aussi, il en parlait de la presse du jeu vidéo. Là, c'est la même gimmick que la presse du cinéma, puis hey, on t'invite à notre événement, boot spécialement fait pour les médias. On te donne un petit boisson. C'est ça, je veux dire. On te donne une petite clé USB. C'est la presse. Tu veux-tu le char de l'année? Non. À peu près, là, tu sais. À peu près, sans aucune exagération. À deux, trois trucs près, là. Mais tu sais, ça se posait des questions. Tu sais, on peut pas toujours se fier à ce qui s'écrit sur Internet, surtout des gros, des gros sites qu'on connaît. J'avais bien aimé aussi sa chanson où il tirait sa révérence sur le 36-15. Ouais, où il parlait, entre autres, des critiques. Qui disait qu'il y avait du monde qui avait pu choisir des médias, des gros médias, mais que finalement, il y avait eu des événements qui avaient choisi deux petits merdeux qui étaient lui et Dorian. Dorian. Oui. Ça reste. Ça fait que là, en plus de ne pas pouvoir se fier toujours aux critiques, mais quand on a justement une scène indie, comme tu dis, Étienne, qui est florissante, mais qui fait aussi de la scrap on the side, des fois on peut se dire ah, un petit 15 piastres, ça a l'air le fun, tu joues, puis là tu fais mauvais investissement. Malheureusement, mais bon, c'est un peu la game aussi. Mais disons en tout cas, vous avez de la variété. Mettons que ça me dérange moins de payer 15$ pour un jeu indie pour faire oh, c'est pas si bon que ça que payer 60$ pour un jeu AAA pour faire arc, c'est encore ça. Dieu nous aime forever. En fait, c'est qu'il faut bien suivre la scène. Tu trouves un studio que t'aimes, tu regardes ce qu'ils font, puis t'espères qu'ils finissent le projet. Parce que oui, comme exemple, Ninedot Studio. Ben oui, c'est Chains ça. Awesome Game. Ben, on est chanceux parce que. Mojang, t'es mon nommé qu'exemple. C'est ça, dans la région, on a des bons studios, ça fait que suivons-les. Mais tu sais, c'est ça, God Factory, là. C'est un beau projet à suivre. Il fait deux fois que je le teste, puis j'ai hâte de pouvoir rentrer là-dedans. Il était 50, là, j'ai plein de nouvelles, là. Ah oui, c'est vrai. L'émission finit. On a deux heures, mais on a l'impression que ça finira jamais cette émission-là, mais ça passe tellement vite. Monsieur Castegan, autre nouvelle avant que l'émission termine. Oui, ben en fait, un jeu que j'ai souvent parlé, tu t'en rappelles probablement pas, de Last Guardian, jeu qui a été fait par la même gang là qui avait fait, voyons, j'ai un blanc sur le nom, c'était Ico. Shadow of the Colossus et Ico. C'est un jeu qui est annoncé au début de vie là, de la PS3 et qui, à chaque 3, se fait attendre pour une date. Mais imaginez-vous donc une nouvelle qui est sorti comme de quoi que, selon Famitsu, un magazine de médias nippon, ben, il y a une date qui s'en vient là, bientôt. Là. Ah ouais? Non. Ben oui. Tu me niaises. Peut-être au E3. Peut-être au E3. Je trouve ça drôle parce que ça, c'est vraiment le phénomène d'un jeu qui se fait attendre, qu'on n'a pas de date, qu'on n'a pas de nouvelles, qui est absent à chaque E3, puis à chaque année, il y a une nouvelle d'un magazine japonais, européen ou américain qui dit... On a eu 20 logo 3, il y aurait une annonce. Non. Moi, je dis qu'il y a une secrétaire dans cette compagnie-là qui trouve ça très drôle de faire couler des informations en disant qu'il va avoir une date, puis à chaque année, elle fait. Sinon, une autre nouvelle rapide. Ça, je trouve ça le fun, mais je trouve ça moins le fun un peu en même temps. Parce que j'ai l'impression que le consommateur, il est un peu... Mais il s'est fait un peu fourré dans le processus. Encore? On va parler de Last of Us. Ouais. Jeu qui est excellent, ouais. Qui a été acclamé par la critique. Mais imaginez-vous donc la première version de Last of Us qui a été mise sur le chantier. Mais c'est la version PS4. La version PS3 n'est qu'un portage du produit réel qu'ils voulaient livrer. Fuck, pour vrai? Ouais. Ouais. The Last of Us PS4 est en développement depuis la sortie. En fait, le développement a été commencé en parallèle que la version PS3, là, t'sais, parce que c'est Naughty Dog travaille très proche avec Sony, vous le savez. Fait que Last of Us PS4, ben, est en développement, genre, depuis en même temps que la PS3. Fait que, t'sais, le projet, là, dans le fond, le principal, là, c'est un jeu next-gen, t'sais, fait que c'est comme... Fait que ça, t'as le gars qui avait sa PS3, qui fait « Oh yeah, jeu Naughty Dog, il a l'air excellent, très bon jeu, pareil ». Mais après, s'il s'achète la PS4, finalement, c'est un jeu natif next-gen, puis malheureusement, j'aurais acheté la... Faut que je me rachète si t'es bien cranky. C'est un peu comme Tomb Raider, je suis très content d'avoir attendu, mais t'sais, Tomb Raider, quand j'étais super content, j'étais hyper motivé, mais t'sais, je trouve que pour le laps de temps entre le jeu qui est sorti sur la PS3, puis PC, puis la version PS4, je trouvais qu'il y avait un peu anguille sous roche pour qu'il y ait tant de nouvelles features qui marchaient pour le petit peu de temps. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de jeux qui ont sorti en fin de vie là, des consoles actuelles que Finalement, là, le studio développait déjà sa version PS4. Et non seulement ça, c'est des versions Ultimate ou Complete ou Director's Cut from ou Hell, édition tout plein plus hot From Hell avec Kittens in Fire and Explosion and Everything. Là, ça, on fait référence à Dynasty Warrior qui a un nom de 10 pieds. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est... je suis content, mais je suis pas content en même temps. Je suis content parce que c'est des jeux que moi, personnellement, j'ai pas pris sur la PS3. Fait que, ça m'affecte pas. Mais je pense, ben, le nombre de exemple, personnes, un ami qu'on a, que je vais le nommer, Brian, ouais. qui est un gars qui adore les jeux, a sorti la jette, il s'ajoute une console next-gen, puis une bonne partie de la bibliothèque de la console next-gen, ben, c'est des jeux de la PS3, mais en mieux. C'est après ça qu'on viendra me dire que la rétrocompatibilité sur les consoles, c'est des questions techniques. Yeah, right. Uh-huh. Après ça, on va mettre un système passeport, vous allez payer un prix ridicule pour convertir vos jeux PS3, PS4, mais finalement, les éditeurs de jeux ont trouvé la passe-passe. On rajoute un mot. C'est pas exactement le même titre, fait que c'est pas le même jeu. On n'est pas obligé d'offrir le service passeport. Et voilà. C'était très étudié. Sinon, ben, Minecraft Pocket Edition s'est vendu à 21 millions d'exemplaires. Quand donc ça, c'est la version là, pour les téléphones intelligents. Sinon, si vous êtes un joueur de World of Warcraft, faites attention, il y a une campagne de phishing actuellement. Donc, si vous recevez des courriels suspects, ben répondez pas. Répondez pas, puis donnez pas votre mot de passe, parce que quand vous vous inscrivez sur le site de Blizzard, ben Blizzard, comme n'importe quel autre site, vous le dit, ils ne vous demanderont jamais par courriel votre mot de passe puis vos informations bancaires. Vous vous êtes inscrit, c'est fait, c'est fini là. Comme dirait notre expert en sécurité, M. Pierre-Luc Pelletier, il faut toujours être prudent et passer toujours par le site officiel de la compagnie. Ne répondez jamais à des courriels comme ça. Et Dragon Age 3, ben, il n'y aura pas de personnage en DLC. Oh! Donc, chose que beaucoup de monde y parlait, c'est que Dragon Age, il y avait plein de personnages hyper cool, mais c'était tout le temps parti d'un DLC ou quoi que ce soit. Mais BioWare dit tout que va être là. Tous les personnages vont être là. Si c'est des DLC, ça va être du contenu additionnel, des quêtes, des choses comme ça, et non pas juste un DLC pour un bonhomme. Excellent. Bon, ben, une bonne nouvelle, si on les aime, les jeunes BioWare. Et j'ai hâte de voir cette... j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Éric Lajeunesse, je pense qu'il nous écoute parce qu'il a répondu, il a écrit « What the... » Mais ça, c'est pour la fosse de Duke Nukem. De Duke Nukem, je pensais qu'il avait dit ça à cause de... d'un autre commentaire. De Last of Us. Non, c'est ça. Mais Eric, écoute, on a parlé de Duke Nukem. Là. T'as vu, je suis écouté l'émission. Tu réécouteras ça dans le podcast. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Ça passe tellement vite, ces deux heures-là, en votre compagnie. Je tiens à remercier M. Guy Bergeron, qui est avec nous en début d'émission, qui est venu nous parler de son livre... Fils de Troie, qui est le premier tome des chroniques de l'Olympe, qui sent, moi j'ai commencé, j'ai la moitié de lu. Excellent roman, je vous le suggère en librairie. On vous rappelle qu'il y a un concours de Puissance Maximale. Partagez la page Facebook de Puissance Maximale en répondant à la question suivante. De quelles deux œuvres sont inspirées le roman de Monsieur Bergeron? On en a parlé pendant l'émission amplement. Donc les deux œuvres de la Grèce antique dont sont inspirées dont est inspiré le roman de M. Bergeron. Et nous, tu vas écrire la question sur Facebook. Tout à fait. Donc, partagez la page Facebook en y répondant et vous aurez la chance de gagner un exemplaire de ce roman dédicacé par M. Bergeron. Je tiens à remercier M. Étienne Dez Desilets qui est venu nous parler de son webcomic frivolesque, qui est venu nous parler de PAX East et qui nous fait aussi des commentaires sur les nouvelles. Merci, Étienne, d'être passé en studio. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup à M. Michel de la, du pub La Revanche. On vous invite à vous rendre sur le boulevard Charest pour aller jouer au pub La Revanche. Merci à Guy. Soirées. Merci à Guy. Merci. Hein? Merci à Guy. Ben, je l'ai dit. Ah. T'écoutais pas. Voilà. Ben, je pense que tu te rappelais le concours. Et merci on est à. Fatigué, hein? Remercier à M. Castegan qui est absent mais d'esprit, mais qui a quand même très fait un très bon travail au niveau de la console. Merci, Andrew. Ça fait plaisir. Et mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à visiter notre site pour écouter nos anciennes émissions, podcasts et nouvelles. Et aller sur la page Facebook pour participer au concours. Aimez la page Facebook parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et je finis cette émission en vous souhaitant une excellente semaine de jeu. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we... One, two, three, four, yeah!